Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millénial, le podcast que j'ai oublié de sortir mes notes. Le podcast qui rayonne dans toute la République et au-delà. Je suis Grushkov, le maître Jedi accompagné de ses padawans Tuki, qui n'est pas là en fait. J'ai pas refait mes notes, Tuki n'est pas là finalement. Donc de mon padawan Adrien. Comment ça va Adrien? Oh oui, oh là là. Mon petit padawan Wookie, du chevalier Jedi Matt. Coucou. Toujours plein d'entrain. Et du grand maître de l'ordre, Lain. Bonsoir. T'es content de prendre l'apéro avec nous? Oh bah oui, attends, si on peut prendre l'apéro en bonne compagnie. Oh, c'est trop gentil. Pour en ce moment. C'est pour ça qu'on t'invite d'ailleurs. Il lui faut juste un prétexte, c'est pour ça qu'il vient. Pour boire. Oui, toujours. Il sait que nous, on t'a dans l'équipe, donc ça va pas poser de problème. Ah, si lui, il peut, pourquoi je pourrais pas? Mais nous, on te dit que t'as le droit, mais seulement quand on enregistre, quoi, c'est tout. Oui, c'est vrai. Et du coup, on vous retrouve ce soir pour parler à nouveau de La Lumière des Jedi. Premier livre de la Haute République, la nouvelle ère de Star Wars dans tout ce qui est littérature. Ce premier livre qui est écrit par Charles Soule et voilà, c'était le lancement de cette nouvelle ère qui se passe 200 ans avant la menace fantôme, avec beaucoup de Jedi, vraiment beaucoup, à leur apogée, à l'apogée même en fait de la République. C'est un peu indiqué par le titre, hein, la Haute République. On dit pas ça parce que c'est la mort. Vous pouvez déjà retrouver nos avis à Adrien et à moi, ainsi que ceux de Sandy Julien et Lucille Galliot qui ont fait la traduction française de ce livre et qu'on a interviewé dans notre épisode sans spoiler, sorti il y a 2 semaines. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille d'y aller maintenant. Non, pas maintenant, non. Non, mais si vous n'avez pas lu les livres et que vous ne voulez pas être spoilé, allez écouter l'autre d'abord. Vous pouvez le retrouver facilement sur notre site et normalement il est épinglé sur notre Twitter. Est-ce que ça va tout le monde? Je vais, avant de partir en zone spoiler, du coup, je vais demander un peu vos avis sans spoiler à Lain et Matt qui vient de le finir à l'instant. Là, je l'ai fini il y a moins d'une heure. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais d'abord demander à Lain, parce que c'est l'expert ici de tout ce qui est littérature Star Wars. Toi qui as lu tant de Star Wars, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier livre et voire même de cette première phase de... Ah, je me suis pris la tronche dans le micro de cette première phase de la Haute République. Alors comme tu le dis, hein, moi qui ai lu beaucoup de romans Star Wars, il y a beaucoup de romans Star Wars que j'estime qui sont parfaits, mais la plupart d'entre eux, j'y viens, la plupart d'entre eux, voire même tous ceux que j'estime comme étant parfaits, se trouvent dans l'univers Legend. Depuis le rachat, depuis les nouvelles publications en 2014, j'avais jamais osé dire qu'un roman Star Wars était parfait. Et j'irai même plus loin, c'est depuis que je suis critique littérature Star Wars, je n'ai jamais mis la note parfaite pour un roman. Puisque je suis arrivé après que les romans Legend que j'adore soient publiés. Ça a changé avec ce livre-là, qui a représenté à mes yeux vraiment tout ce que j'attendais depuis le rachat, c'est-à-dire enfin quelque chose de prometteur, quelque chose de galactique, quelque chose avec une ampleur folle et qui ouvre de nombreuses perspectives. Ce roman a répondu à toutes mes attentes à ce niveau-là et c'est pour ça que c'est le premier en tant que critique et c'est le premier depuis le rachat que j'estime comme étant un roman parfait. Effectivement. Je pense que c'est pas un roman parfait dans le sens où il fait tout bien, mais par contre, tout ce qu'il essaye de faire, j'ai l'impression, c'est réussi, en fait. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire ça. Est-ce que toi, tu es d'accord, Matt? Alors, comme tu disais, je peux pas dire qu'il soit parfait et je peux pas dire qu'un truc est parfait non plus. Moi, contrairement à Lain, il y a des bouquins que j'aime beaucoup dans le canon actuel, que je trouve vraiment réussi. Et là, pour le coup, alors, la Haute République, j'y venais, mais un peu reculons, parce que bah, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les Jedi, j'en ai un peu ma dose, franchement. Et pourtant, j'ai été agréablement surpris. Le traitement des Jedi est différent et très très bien, très cool. Comme tu dis, il réussit à peu près tout ce qu'il tente. Le traitement est très réussi, même dans la forme. Je trouve que le rythme du bouquin est très bon. La traduction, pour le coup, parce que moi, je l'ai lu en français, est vraiment de très bon niveau également. C'est très très cool à lire. J'ai passé un très bon moment. C'était bref parce que j'ai dû le lire un peu en vitesse pour l'émission de ce soir, mais c'était un très bon moment. C'est un très bon bouquin, clairement. C'est réussi. J'ai envie de en savoir plus sur cette nouvelle ère qu'est la Haute République, parce que comme tu disais, peut-être pour repréciser, mais c'est vraiment là c'est le point de départ. Ce bouquin, c'est le point de départ là, de toute une autre époque de Star Wars qui est entièrement nouvelle et pour laquelle ils ont tout inventé encore. Mais c'est ça, en fait, ce qui est super avec cette période, c'est que c'est nouveau dans le canon, évidemment, mais c'est aussi nouveau par rapport aux Legends. Alors, c'est pas une période où t'as eu des grandes sagas de livres, de comics et tout dans le Legends. À moins que je me trompe, Line, mais il me semble que c'était... Non, Legends, il y a un gros trou, entre... 1000 ans avant les films, et les films, il y a des histoires à droite à gauche, il y a des petites BD, des petits romans à droite à gauche, mais il y a pas de grande saga, et on est vraiment sur 1000 ans de paix de la République qui s'étiole petit à petit jusqu'à devenir ce qu'on connaît de la République dans la prélogie, mais c'est pas abordé. On a un point de départ, on a un point final, mais on n'a pas cette évolution là où le roman, je trouve que moi, il apporte vraiment quelque chose où on voit déjà entre ce roman et la République de la prélogie une évolution flagrante. C'est même très bien amené, je trouve, et toutes les bases sont très bien posées pour ce... Les bases de, on va dire, cet univers, en tout cas cette époque, sont très bien posées, je trouve. On s'y retrouve rapidement, facilement, c'est pas digeste. Et ça marche très bien. Et puis oui, pour le coup, c'est pas une réécriture d'une période qui avait déjà été abordée, donc c'est rafraîchissant, et puis n'importe qui peut se lancer là-dedans, quoi. À partir du moment où t'as une vague idée de ce qu'est un Jedi, tu peux te lancer dans ce bouquin, quoi. Et encore, c'est expliqué, c'est rappelé. Il y a un fonctionnement qui est différent de l'ordre des Jedi. C'était plus peut-être dit Into the Dark, mais c'est vrai que les Jedi, c'est pas les mêmes qu'on connaît, quoi. Il y a un fonctionnement différent, mais qui est pas si éloigné de ce qu'on connaît de la prélogie. Et c'est un point que j'ai adoré dans le roman, c'est que je trouve que quand on voit les Jedi de ce roman, on voit qu'on est à mi-chemin entre l'idéal Jedi, on peut appeler ça comme ça, les Jedi parfaits, et les Jedi de la prélogie, donc des Jedi guerriers qui suivent les lois de la République et ce qu'on leur dit de faire. Et je trouve qu'on est à mi-chemin entre les deux. Notamment, à un moment dans le roman, il y a une histoire de vote pour voir si les Jedi partent en guerre. On va simplifier comme ça. Fantastique, ce passage. Et ce qui est très bien fait dans ce roman, c'est qu'ils sont à 50-50. Ouais. Et donc, tu te rends compte qu'on est à mi-chemin entre l'idéal de « on fait ce que la Force nous dit » et on fait ce que la République nous dit. Puis on a déjà des Jedi, des maîtres, pour le coup, parce que c'est le conseil, c'est pas non plus Jean-Michel. C'est pas des Padawan ou des mecs qui sont paumés au fond de la galaxie, c'est les maîtres Jedi du conseil qui sont en train de se dire oui, mais alors la philosophie de la Force, est-ce que ce serait vraiment ça? Ils sont déjà en train de partir dans des trucs, ils sont complètement perdus, les mecs, déjà dans leur tête, alors qu'ils s'éloignent de plus en plus de l'idéal parce qu'ils s'embarquent dans des trucs et des machins, et on sent déjà que l'ordre commence à se dévoyer un petit peu de ce côté-là. Et du coup, le parallèle, quand tu compares forcément à ceux de la prélogie, ils ont l'air complètement à la ramasse. C'est très bien amené de ce côté-là. Je trouve qu'il y a une très bonne justesse sur ce point, et on peut même le mettre sur la République. On a une pareil, République presque idéale ici. Mais c'est une république qui veut s'étendre. Elle est presque qui veut s'étendre. C'est génial. Ouais, c'est ça. Et donc comme elle veut s'étendre dans la bordure extérieure, un gouvernement idéal qui a des envies d'extension, on peut se rendre compte vers quelle extrémité ça peut mener, et donc comment on peut en arriver à cette république de la prélogie où le peuple de la bordure extérieure, il est ramené dans la république. Mais ils sont considérés comme des sous-hommes, pratiquement. Ouais, c'est ça. Des sous-aliens. C'est là qu'on va pouvoir commencer peut-être à en parler plus on va passer en spoiler, mais il y a des personnages... Oui, d'accord. Pardon. Excuse-moi, non, je voulais juste revenir sur mon truc très rapidement, mais ça correspondait toujours de ton truc, hein, t'en fais pas. Ben oui, mais c'était plus, mais c'était en rapport avec l'histoire du conseil de tout à l'heure, donc je peux revenir là-dessus. Okay, ouais, et sur la République en même temps. C'est quand, ce qui est intéressant, du point de vue de l'époque, et ce que le livre essaie de poser au niveau de l'époque et de l'ordre et de la République, c'est que tout est affaire d'idéal. La République avait une recherche l'idéal républicain. Nous sommes tous, comment la formule, nous sommes tous la République ou quelque chose comme ça. En français, je sais plus comment tourner exactement, je crois que c'est ça. We are all the République. Elle se veut à la fois expansionniste, tout le monde doit être sous la République, faire partie de la République, mais en même temps, essayer d'aider tout le monde en parallèle. Ça va forcément vriller au bout d'un moment, tu peux pas non plus vouloir rattacher tous ceux qui sont dans la galaxie à la République. Et à côté, t'as les Jedi qui se battent avec leurs idéaux à eux, la justice et la volonté de la force. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que on doit faire ce que la force nous dit, mais en même temps, la paix et la justice. Donc, on doit faire la paix, garder la paix. Oui, mais une paix sans justice, c'est pas vraiment une paix. Il y a tout ce débat-là aussi, justement, au moment de ce conseil Jedi qui est super intéressant et qui va au cœur du dilemme des Jedi. Et je trouve ça bien amené, quoi. Et pour moi, tout tourne autour de ça, de ce point de vue-là, de l'ordre de la République. Et c'est intéressant de voir comment tout ça évolue. Et ça évolue vite parce qu'on commence vraiment à fond la caisse, je trouve. Et du coup, on va commencer à parler de la première partie du livre, hein, le grand désastre. Et du coup, on va passer en mode spoiler, oui, dans 3, 2, 1. Prout ! Ah bon, il y a un prout là ? Non, moi j'ai dit prout, c'est tout. Et du coup, nous voilà partis pour vraiment en discuter à fond. Et déjà, la première partie, donc ça commence par un vaisseau qui est trop vieux et qui se casse en mille morceaux parce que il rencontre un objet non identifié en hyperespace et ça cause le bazar dans le système Hetzal. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Juste, est-ce qu'on peut préciser quand même que dans ce vaisseau, il y a un enfant qui s'appelle Serge. Pensais jamais, de mon vivant, rencontrer un Serge dans Star Wars et j'en suis très, très heureux. Voilà. Et il y a aussi Douglas hein, dans l'autre monde. Ouais. Mais oui, du coup, le vaisseau Legacy Run qui est conduit par la vétérante, je ne sais plus comment on dit au féminin. Vétérante. Eda Cassette. Vétérante. Eda Cassette, qui je trouve est super stylée. Ouais. On la voit peu, mais je l'aime beaucoup. J'adore le moment où ça part en couille vraiment. En VO, ça fait She did not fail her ship, but it failed her. Et c'est de dire, peu importe à quel point t'es bon, si ton matos il suit pas, c'est foutu quoi. Mais elle, en vrai, c'est ça qui est assez cool avec ce bouquin-là, c'est que t'as d'héroïsme et ça vient pas que des Jedi, et ça vient sous plein de formes différentes dès le premier chapitre quoi. T'as ce capitaine-là, elle fait ce qu'elle peut. Et quelque part, grâce à ses petites actions, elle n'a pas réussi à se sauver elle-même, elle n'a pas réussi à sauver tout son vaisseau, mais elle a réussi à sauver le maximum de monde possible. Et c'est tout, en gros, c'est toute la première partie, c'est ça. Toute la première partie, c'est plein d'héroïsme et c'est assez impressionnant. Enfin, le rythme, déjà, je trouve qu'il est vachement bien géré. Ça aurait pu être très lourd, très indigeste, et finalement, ça marche très bien. Ça le tient en haleine pendant une centaine de pages, je crois, au moins. En tout cas, au format poche. Mmh. Il y a au moins une centaine de pages à peu près. 150 pages, je crois même. Oui, je crois que c'est ça que tu disais. Tu peux y arriver, mon vieux, Fieda, à voix haute. Nous sommes deux grincheux et pas de première jeunesse, mais il nous reste un bon bout de temps à vivre. Je te bichonne et tu le sais. Si tu tiens le coup, moi aussi. Et Eda, tiens un bon. Ouais. Mais pas sans retourner comme ça, je crois. Il y a Soul, Charles Soul, l'auteur, qui jusqu'à présent avait fait des comics hein, dans l'univers Star Wars. Il n'en est pas à son premier roman, c'est même son troisième ou son quatrième, mais il avait fait que des romans, on va dire, perso jusqu'à présent. Là, il livre donc son premier roman Star Wars et il a une force Et il m'a fallu un petit moment pour mettre le doigt dessus sur pourquoi il y avait cet héroïsme omniprésent, cet héroïsme du tout à chacun. Et au début, je voulais nommer ça l'héroïsme du kidam, du parfait inconnu. Et c'est là que j'ai compris comment il faisait. Tout le monde dans le livre a un nom. Un nom et un nom de famille. Oui, c'est vrai. À au moins une petite phrase d'histoire, d'historique, de personnalité, le mec qui meurt trois phrases après, et ben il a un nom et il a une petite phrase sur sa vie. Et il a c'est dingue. Dans les premiers temps justement de cette première partie où il y a toute la catastrophe qui arrive dans le système Hetzal, c'est assez effroyable parce que tu commences à lire un truc, tu commences à rentrer dedans, à t'attacher limite au personnage, et après forcément, il arrive quelque chose de drôle. Ah, mais alors, moi, tu as le temps de s'intéresser, t'intéresser à l'histoire du personnage. Ils sont vraiment des individus. Ouais, ouais. Pour tout vous dire, je ne me suis toujours pas remis de la mort de Captain Bright. Et ça, c'est même pas. Toute la première partie, c'est. Moi, c'est le mec sur la station qui voulait retrouver son amoureuse à la taverne après. C'est horrible, ça. La première partie, c'est ça. C'est tu t'attaches à un personnage, tu dis, putain, lui, il est cool. Elle, j'aimerais bien la revoir et tout. Et bam Ma note, j'ai écrit une note là-dessus, c'est au début, tout le monde meurt et après, tout le monde meurt. C'est un peu la première partie du bouquin. C'est pas tout le monde meurt à la Game of Thrones, ça devient un vieux gimmick pourri, un peu relou, en fait. C'est vraiment bien tourné. Ça m'a rappelé un peu pour ceux qui ont lu du Legend, il y avait Troy Denning, un auteur Legend qui était connu pour ça, qui il a écrit un roman magistral qui s'appelle Étoile après étoile, où au début il te présente tout un commando de Jedi, ils doivent être une bonne douzaine dedans. à la fin du roman, il y en restait quatre, même pas. C'est dans le Nouvel Ordre Jedi, ça, je crois que c'est dans le Nouvel Ordre Jedi, ouais. C'est une catastrophe, ça, oui. Et les gamins dans le commando, ils ont tous moins de 18 ans. Hein. C'est d'autant plus sombre. Ouais, mais voilà, c'est un livre qui est assez sombre. Là justement, on dit tout le début, pendant 150 pages, c'est les gens qui meurent. Alors oui, il y a ça, mais à côté, il y a plein d'actes incroyables. Il y a la force évocatrice de la force et les Jedi, il y a incroyable aussi. Et en fait, tout le livre, même s'il se passe des trucs assez durs, même voilà, la gamine balancée par le sas beaucoup plus tard dans le bouquin, ce genre de truc, il y a des actes qui sont quand même vachement raides, on va dire, même pour du Star Wars, je trouve, dans le geste. Mais le bouquin, il est, pour le coup, il s'appelle Les Vers des Jedi, je trouve qu'il est lumineux comme bouquin. Enfin, c'est le livre n'est pas sombre. Je sais pas comment tourner le truc, je le trouve pas sombre à la lecture. Il est vraiment Et optimiste. Optimiste. J'espère régler la situation. Il y a de la lumière partout, il y a de l'espoir, il y a des actes de courage. Oui, c'est ça, en fait. Bêtement, c'est Star Wars. L'obscurité avec la lumière. Il y a plein de gens qui meurent, c'est gritty. Il y a plein de gens qui meurent, il se passe une catastrophe, certes, mais à côté, on voit tout ce que les autres gens font pour éviter qu'elle ne soit trop grave, cette catastrophe, notamment. Comment tout le monde se met ensemble, quoi, pour se sauver la vie. Et c'est dit tout le long du bouquin, c'est que l'idéal de la République qu'a la chancelière Linasso, je crois, le nom. Linasso, ouais. C'est justement que, au final, dans la République, il faut qu'on essaie de tous se voir un peu comme des frères, comme des gens qui cohabitent ensemble et qui essayent tous s'aider pour aller dans le bon sens. Et c'est ce qui motive une bonne partie des personnages, justement au début. Tu parlais du Captain Bright, il est à fond dans cet idéal-là, notamment même son équipage. Enfin, de socialiste. Oui, le maître mot, c'est vraiment fraternité et travail d'équipe. Et on le voit au terme, je pense que c'est le chapitre final de la première partie, quand tous les Jedi s'unissent à travers la galaxie pour sauver le système Hetzal. Et même dans cette scène-là, c'était incroyable parce que, il y avait un Jedi, par exemple, qui était en train de sauter ou en train de conduire son vaisseau, comme il s'unit à tous les Jedi de la galaxie, il peut plus piloter son vaisseau et il se crache et il meurt. Ouais, et même ce Jedi-là, il est nommé. C'est dingue. C'est vraiment genre le moment, un des moments que j'ai préféré. C'est vraiment genre c'est tellement tragique, mais en même temps c'est pas tragique. Genre tu sais, le gars il meurt et ça sert à rien, et il retourne à la force, il revient jamais en force ghost pour sa meuf. C'est pas tragique. C'est l'ordre 66 à l'envers. C'est beau parce que la même puissance que la séquence de l'Art 66, mais c'est dans l'autre sens, quoi. Ça, c'est dans le positif. C'est un peu comme Luke qui arrive à la fin de l'épisode 8 pour sauver tout le monde, mais fois 1000 Jedi, quoi. C'est super. Ah, fois tout un système solaire. Ouais, c'est ça. On n'a jamais eu ça dans. Ça, je trouve ça très fort aussi, l'ambition déjà du bouquin dès le début. Déjà l'idée de base, hein, simplement, qui est excellente. Je pense que ça n'avait jamais été exploité comme ça, je crois, l'hyperespace lane dans Legend. Non, il y a eu beaucoup. Enfin, en Legend, l'hyperespace était plutôt carré, c'est-à-dire que. On rentre dedans, on en ressort, et puis on a fait le trajet. Ouais, puis, il n'y a pas de route. Ouais, c'est ça. Et puis, il y avait des petits clous en plus, du genre. Si t'éjectes une capsule pendant que t'es en hyperespace, la capsule reste bloquée dans l'hyperespace à l'infini. Tu peux pas communiquer quand t'es dans l'hyperespace. Et il y a quelques livres qui ont essayé de bidouiller un peu le truc. Je pense à un livre en particulier qui a pas trop plu, où notamment t'as le faucon qui fait demi-tour dans le tunnel en hyperespace. Ça a pas beaucoup plu. Voilà. Donc il y a eu quelques bidouillages, mais c'était plutôt clair. C'était pas un truc qu'on touchait. Entre-temps, épisode 7 est passé par là, épisode 8, le 9 pas tant que ça finalement, étrangement. Et donc aujourd'hui, il y a finalement un peu une notion d'hyperespace à redécouvrir, à de nouveau mettre des règles, voilà, redéfinir, merci, mettre des règles dessus. Donc c'est un champ vierge et Charles Soule a mis une bonne grosse pierre dessus, quoi. Moi, je trouve qu'il a mis une claque, je trouve, parce que vraiment le coup des containers, enfin des fragments du vaisseau comme ça qui sont expulsés de l'hyperespace, donc qui vont encore super vite et qui s'éparpillent dans la galaxie comme ça. C'est une super idée. Pardon. Il y a quand même eu une très forte inspiration de l'épisode 8 avec la manœuvre Holdo. Hein. Oui, parce que tu dis ça parce que tu l'aimes bien. Je pense que l'idée vient de là quand même. Pas que pour ça, hein. le livre transpire The Last Jedi. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup d'interviews de l'équipe d'auteuristes qui bossent dessus. C'est clairement des gens qui aiment tout Star Wars, sauf ceux que... Enfin, qui vraiment prennent du bon de tous les Star Wars, même des moins bons, et c'est pour ça que ça transpire, je trouve, autant le Star Wars, justement, parce qu'ils savent quoi prendre et quoi laisser un peu de côté et quoi remettre vraiment à fond. Quel est l'esprit du truc, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui te prend aux tripes et c'est cool de les voir reprendre des éléments des films que nous on a bien aimé mais ils prennent vraiment des trucs d'un peu partout, quoi. C'est cool. Ce que j'ai trouvé vraiment très fort depuis cette première partie, c'est l'ambition du truc. C'est-à-dire qu'on a encore une catastrophe à l'échelle planétaire, mais on te ramène pas encore une étoile noire ou une simile étoile noire ou ce genre de truc. C'est vraiment une idée assez nouvelle, finalement. Ça a une grosse ampleur, ça a une énorme ambition parce que c'est tout un système, voire plusieurs systèmes qui sont concernés et qui sont menacés. Et en fait, finalement, la première partie, c'est quasiment un bouquin à elle seule, en fait. Enfin, ça se lit, ça pourrait se lire seul. Ouais, oui, bien sûr. C'est bien amené, bien ficelé. Et en fait, ça commence quasiment par la fin d'un bouquin. On pourrait s'attendre à ce que ça soit le climax, voilà, d'un autre bouquin. Ouais. Dans le livre, au tout début, justement, dans la première partie, chaque chapitre commence avec moins 25 minutes avant l'impact, et en fait, je me suis dit, ok, donc le livre va s'orienter autour de cet impact, et ce sera à la toute fin, tout en le livre, ce sera. Je pensais, moi, que ça, tout le bouquin, ça allait être autour de la catastrophe, en général. Au tiers du bouquin, tu fais what? J'ai fini le livre, en fait, l'histoire est terminée, c'était vachement cool. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Et quand tu finis la première partie, tu te dis, ouah la vache, le livre il reste encore les deux tiers, quoi. Et si on en est là à ce moment-là, waouh! Et même cette histoire d'impact au début, c'est malin finalement, parce que tu avances dans l'histoire, tu vois, oh là là, oh putain, merde, quoi, tout ça. Et tu vois que les choses commencent à s'arranger, mais tu tournes ta page, tu arrives au chapitre suivant et tu vois qu'il y a encore marqué moins 10 minutes avant l'impact. Attends, C'est pas l'impact d'avant déjà ça. Non mais c'est celui-là. Ok, c'est pas celui-là non plus. Oh là là, mais qu'est-ce qui va arriver encore? Et ça fait monter la tension comme ça, de façon super intelligente. Là, et tout le point de vue d'avoir Chris, c'est fantastique aussi de ce côté-là. La représentation de la force dans ce bouquin est incroyable. Incroyable. Ouais. Dans toute notre république, hein. Si t'aimes ça dans Light of the Jedi, t'aimeras ça aussi dans les autres bouquins. Ouais. On va pouvoir faire un petit segue. Oh punaise, attendez, j'ai quelqu'un qui passe derrière en moto. Désolé. Vers les Jedi, justement, hein. C'est un peu le focus aussi du livre, même s'il y a plein de personnages intéressants qui ne sont pas des Jedi dans le livre. L'intrigue commence vraiment quand ils arrivent. Non, ils sont jamais tout seuls. Et ça, c'est bien parce que voilà, c'est ça. C'est jamais que les Jedi qui interviennent. C'est ça qui est bien. C'est qu'on a l'informaticien là de Ezal qui est super balèze. Ils sont toujours aidés par des gens qui ne sont pas des Jedi au final. Et on les oublie pas au passage. En fait, j'avais peur que c'était vraiment trop chevalier blanc dans l'idée comme bouquin. Alors, ils le sont, mais ils restent très, très humains quelque part. Mais c'est aussi ce truc du chevalier blanc, où le chevalier blanc, il est jamais tout seul non plus aussi. Il a toujours son écuyer ou des trucs comme ça. Et c'est son cheval. Aussi, voilà, c'est ça. Il est jamais tout seul. Il y a toujours des gens autour qui l'aident à rester cet archétype du chevalier blanc. Et j'avais très peur au début quand j'avais lu la description d'Avar Kriss, elle est trop forte, et puis en plus elle sait tout faire, et elle est vraiment genre trop balèze et tout, et je me disais, oula, c'est c'est osé, et finalement c'est vraiment fait avec tellement de bienveillance dans le livre, en fait, quand t'es dedans, que c'est difficile de ne pas l'adorer, en fait, de ne pas la trouver super cool, enfin, pour moi en tout cas. Qui avait beaucoup d'a priori sur elle à cause de sa description, j'étais super surpris, et surtout genre une des premières phrases des Jedi que t'entends, c'est vous en faites pas, on arrive, quoi. C'est vraiment l'espèce de one-liner de Avar, genre les Jedi sont là, les gars, tout va bien se passer, et au final c'est bizarrement c'est rafraîchissant de voir les Jedi être vraiment des héros, genre même. C'est dommage, hein, mais même dans la post-logie où c'était censé être... je sais pas, pour moi, dans l'épisode 9, on était censé enfin avoir les Jedi à leur nouvel apogée, quoi. Et même là, on l'a pas eu et tout. Et là, vraiment, on comprend pourquoi il y a autant de gens, genre comme Obi-Wan et tout, qui sont autant attachés à l'idée des Jedi, quoi, parce que avant c'était des héros, avant la prélogie ils venaient vraiment sauver les gens, le premier, enfin tout ce qu'ils font dans la première partie et même après, c'est qu'ils sauvent des gens, ils sont pas là pour venir attaquer des mecs de manière random, ils sont pas là pour aller génocider des géonosiens comme Anakin dans l'épisode 2, ils viennent pour sauver plein de monde, et s'ils doivent se battre, ils le feront, n'est-ce pas, Loden qui lui va se prendre la tête avec des gardes et tout, et il me fait trop rire, Loden, il me fait vraiment. Enfin, j'adore. Et ce qui est intéressant, c'est que on a des Jedi, voilà, avec leurs failles quand même. Ils sont des chevaliers blancs, ils sont très forts, ils sont altruistes, ils font tout bien, mais ils ont aussi leur petits soucis, quoi, perso. Ouais. Quelque part, ils aiment jeter des padawans de la falaise. Tu crois que c'est que Loden au début, et après tu lis les comics et tu te rends compte que c'est tous. Oui. C'est génial. Jedi, si vous comprenez pas, j'ai pas rien pour vous. mais c'est. Ah, j'avoue, c'est un peu spécial. ils sont rock'n'roll, quoi, hein, les Jedi là, à cette époque là. Mais pas tous, hein. Pas encore tous. Une fois, c'est là où ça marche, c'est qu'en fait le Jean Soul arrive à donner à chacun d'entre eux des méthodes d'enseignement différentes, des façons de voir les choses différentes, et des vraies même de politiques différentes. C'est des vraies différentes. Et puis des vraies personnalités, des façons d'appréhender la force différentes. Ouais. C'est, On va prendre le 2 parce qu'il y a quand même beaucoup en arrière-plan. On a plein de Jedi, on en voit plein. C'est cool, hein, ça remplit le guide visuel au final. On a plein de noms et plein de costumes qui sont super cool, mais ça s'arrête là. Alors que là, vraiment, on a une galerie de personnages où on a plein de Jedi super, super cool. Même moi qui suis saoulé de ouf des Jedi, là, pour le coup, je peux pas dire. Ouais, c'est vraiment. C'est ce qu'on disait. Hein. Chouette, quoi. Quand on en a entendu parler au début, on était là genre non mais sérieux, encore des Jedi, et puis moi je suis là et allez sérieux, encore des Jedi s'il vous plaît. Moi je me rappelle quand on avait parlé de comment pour la première fois sur le podcast de la Haute République, on avait quelques visuels et pareil que Matt, hein, j'étais un peu saoulé et moi j'étais peut-être qu'on peut faire une transition avec ce que je dis justement. J'étais pour les Nile à l'époque. Genre vraiment pour moi c'était les. Mais... pour moi ça allait être eux les vrais gentils de l'espace quoi. Toi t'es texte claqué aussi. Hein. Non mais attends, je sais pas, je vois des mecs, je vois des vieux punk chants de l'espace. Je me dis c'est stylé, tu vois, il y a peut-être une idée à faire, c'est par rapport aux gens qui protègent les. Bah pour moi en fait je voyais un peu les Nile comme les Cloud Riders, tu vois, des pirates qui avaient pas forcément des mauvaises intentions. Bah en fait si. Ouais, non. Les Nile, je pense qu'on va pouvoir faire tout un passage dessus. Hein. Je pense qu'on va y revenir après. Bah oui, ils arrivent. Pour continuer sur les Jedi, parce qu'il y a quand même plein de choses à dire. Ouais, c'est toute la façon dont ils visualisent la Force. On avait déjà eu des infos là-dessus. On voyait pas trop un peu comment ça pouvait se représenter. Et finalement, ça c'est une bonne façon, je trouve, d'expliquer un peu le ressenti que pourrait avoir un Jedi. C'est une belle façon d'imager la chose. Mais avec Avar Chris qui voit ça comme un chant, une mélodie, de la musique. Son pote, c'est Elzar, je crois, c'est ça, Elzar, qui lui, dans lequel il peut venir puiser la Force. Ah, c'est un fuckboy, Elzar. Elzar, c'est un giga fuckboy, j'avais complètement oublié avant. C'est un turbo fuckboy, Elzar. Lui, il a des visions, par contre, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. Alors qu'elle peut synchroniser tous les Jedi. Et tout. c'est Skype. En fait, c'est quoi? C'est de la Battle Meditation de Bastila, en fait. Oui, c'est ça. On revient à cette idée de méditation de combat. Même si la méditation de combat, c'était plus amener un sentiment, tu vois, de on va gagner pour nos alliés et envoyer un sentiment de vous allez perdre sur nos ennemis, comme ça nos ennemis sont démoralisés avant même que le combat commence, nos alliés sont boostés avant même que le combat commence et donc l'issue est jouée d'avance. Là on a plus la connexion d'esprit de tous les Jedi, donc Bastila le faisait aussi ça, mais on est plus sur ce que faisaient les Jedi un peu dans le nouvel ordre Jedi. C'est une technique qui est utilisée vraiment dans tout le Noj, dans tout le nouvel ordre Jedi, et qui leur permet de à la fin de gagner. C'est quelque chose qu'on a vu. Sans communiquer réellement. Oui, c'est ça, mais ça va au-delà de la communication, c'est-à-dire que tu as une communion et tu as la vision de chaque personne reliée les unes avec les autres à la fois. Donc, si jamais il y en a un à bord du chasseur X qui voit qu'il y a un ennemi qui s'approche par ta droite, bah, tu le sais. Ah oui, c'est vision globale de la situation. Ouais. Oui, attends, c'est le truc dans Kaamelott, là, tu regardes à 35 degrés. Non, je sais plus. C'est pas faux. Et donc tes alliés peuvent t'aider instantanément. S'il y en a un qui l'a en visu, cet ennemi qui s'approche de toi, bah, bim. C'est bon. Et par rapport au pouvoir de Eivar, qui en gros synchronise les Jedi, elle le fait aussi, en fait, comme si c'était un immense chant d'opéra à moitié. Et c'est comme ça que décrit ce pouvoir Charles Soule. Et c'est là où j'ai trouvé ça puissant, justement, dans le moment où t'as justement la grosse baston à la fin de la première partie, où en gros là où tous les Jedi se synchronisent. Oui, parce que elle voit la Force comme un chant, donc plus t'as de Jedi, donc c'est toutes les voix de tous les Jedi qu'elle entend en même temps, qui font un énorme opéra. Et pour le coup, je trouve que de tout ce qui a inventé dans l'idée, alors c'est peut-être pas lui tout seul pour ces idées-là de visualisation de la Force, je sais pas trop, mais je trouve que c'est l'idée en tout cas la plus évocatrice, parce que ouais, du coup tu peux avoir un crescendo dans l'idée de plusieurs chants comme ça qui se rejoignent de voix et tout. Mais c'est très imagé. Ouais, mais pour le coup, je trouve que c'est l'image qui marche la mieux, enfin la plus évocatrice, quoi. Ouais, c'est évocateur et. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Non, je disais, c'est évocateur et en même temps, c'est un moment qui est, qui moi, alors en plus de ça, je suis afantasique, ce qui fait qu'en gros, j'arrive pas à imaginer des objets visuels en tête. Il y a, je crois, 2% de la population qui ont ça sur Terre et moi, j'en fais partie. Et malgré tout, j'ai réussi à m'imaginer cette scène avec notamment les sons. Que tu vois, tu m'imaginais ça comme une immense chanson et une espèce de grosse opéra où t'as plein de choses qui se passent en même temps. Et c'était mais un moment mais à dire mais fantastique. C'est les mecs qui sont tous en train d'essayer de se concentrer. Pendant ce temps-là, tu sais, t'as Avar qui est en train de headbang avec du Carmina Burana en tête. Elle fait l'hélicobite avec son sabre laser devant. C'est n'importe quoi cette meuf. Elle est géniale. Et t'as Elzar qui fait un slam et qui saute dans la foule, tu sais. C'est trop ça. Et c'est des rockstars et c'est étrange qu'on n'ait pas beaucoup vu Stellan parce qu'a priori c'est le troisième loupard là avec les deux là. Ouais. Il se le garde celui-là. Il a pris son temps. Pourtant, c'est un de ceux sur lesquels on a eu le plus de détails, bizarrement, je trouve, en dehors des bouquins. Genre, on a son sabre laser dans les détails et tout. Mais voilà, normalement, c'est les trois, c'est Elzar, Avar et Stellan qui sont les trois cacahuètes là. les superstars, c'est tu sais les jokes du lycée. Mais chez les Jedi. Juste pour revenir vite fait à ce que disait Adrien, au niveau des descriptions dans le bouquin, alors moi je mettais ça sur le compte de la traduction, pour le coup, bah, en tout cas c'est très bien traduit, je trouve, mais les descriptions de façon générale sont excellentes. Il y a pas mal de bouquins où souvent il y a des descriptions soit de personnages, enfin d'espèces aliens ou de lieux ou de vaisseaux sont pas forcément fantastiques pour les vaisseaux. Je pense que là il est d'accord avec moi. Des fois on a des descriptions qui sont un peu tarabiscotées, on a du mal à visualiser un truc. Là pour le coup je trouve que tout est assez limpide. C'est bien. C'est à la fois précis et en même temps ça prend pas 6 pages quoi. Oui, c'est parce que là, on a quelque chose d'assez rare pour de la littérature Star Wars, c'est qu'il y a eu toute une équipe derrière qui a créé des visuels pour la période, notamment les visuels des vaisseaux, des stations, etc. Et donc, décrire quelque chose dont tu as une image sous les yeux, c'est plus facile que d'écrire quelque chose qui existe que dans ton imagination. Pour les auteurs qui ont fait l'effort d'imaginer le vaisseau qu'ils voulaient dans le livre ou dans leur tête. Du coup, ça a été dessiné en amont de ce que ça a été écrit. Enfin, ils ont bossé en même temps, j'imagine, sur les idées et puis après. Alors, pour la plupart des vaisseaux, il y a beaucoup de concept art qui ont été réutilisés. La réutilisation, c'est vrai. Je crois que le vecteur. Voilà. Vu pour l'épisode, pour la prélogie, il me semble. Pour la prélogie, c'est ça. Donc, il y en a beaucoup qui ont été réutilisés. Les vecteurs, les longues beams. Ouais, je mets les images en même temps. Les vaisseaux. Vectors, les longues beams. Ouais. Les vaisseaux amiraux, je crois pas qu'il y ait de visuel. Et puis, dans tous les cas, il y a déjà quelques vaisseaux. Par exemple, il y a l'Ataraxia, qui est un peu le vaisseau amiral de l'Ordre Jedi dans le bouquin, qui est apparu dans le comics. Donc, suivant les temps que ça met hein, pour qu'un comic soit sorti, il y a environ, avec le Covid et tout, peut-être 5 ou 6 mois avant que le roman soit sorti, le visuel existait déjà dans le comics. Ouais. Voilà. Donc il y a quand même un gros travail qui a été fait derrière avec des écrits je vais y arriver. Des équipes créatives. et donc, on a des auteurs qui peuvent s'appuyer sur des éléments concrets. Je pense qu'après, peut-être aussi le fait qu'on a eu pas mal d'artwork dans tous les sens, ça permet de se faire une vague idée de la direction artistique générale du truc. Et du coup, quand tu lis après, on regarde encore plus, mais bon, après, ça, c'est que moi. Comment ? T'as dit quoi ? On a perdu Grushkov. Bon, on va continuer. Est-ce que le live il marche? Bon, après. Le live il marche, t'inquiète pas. Ces artworks qui ont été faits, c'est surtout comme on a un projet qui est plurimédia, il fallait qu'il y ait quelque chose de commun entre chacun. Donc, s'il y a un auteur de roman qui imagine, on va prendre l'exemple du Vector, donc le petit chasseur pour les Jedi, qui imagine le chasseur. On se doute que c'est quelque chose qui va être réutilisé dans tous les autres œuvres. Donc, il faut que ce soit, sculpté dans le marbre. Il faut que chacun des auteurs puisse s'appuyer sur la même chose. Et c'est pas Charles Soule qui va aller faire un petit dessin dans une marge. Non, j'en sais rien, ça se trouve, c'est dessiné. J'en sais rien, mais. Mais voilà, on a un projet qui est pour l'instant roman et comics, voire même un peu plus puisqu'il y a le jeu vidéo VR là. Mais il faut quelque chose de concret quoi pour tous ces auteurs, que chacun aille sur la même base. Oui, c'est sûr. Ouais, donc ça doit aider à la description après derrière, mais pour le coup c'est vraiment un point positif du bouquin. Évidemment. Et puis, surtout, il y a des visuels, on va dire, qui manquent. Quand je dis qui manquent, c'est qu'on n'a pas eu les concept arts de partager, etc., etc. Et donc, moi, qui lis le comics à côté, qui sort tous les mois, et bah, de temps en temps, je vois un visuel du roman ou d'un des autres romans de la période qui apparaît. Et tout de suite, je suis super heureux parce qu'il y avait un truc que j'adorais, que je savais pas forcément à 100% à quoi ça ressemblait. Bah, maintenant, je sais. Quand j'ai vu la Taraxia arriver dans le comics, j'étais joie, quoi. J'étais hyper joie. Taraxia, c'est le vaisseau des Jedi à la fin. C'est ça, ouais. Au début du roman, il nous le tease et à la fin, il apparaît dans la bataille. C'est vraiment un livre qui, au-delà de ce qui réussit bien, hein, justement, pose les bases. Hein. Tu parlais d'Ataraxia qu'on voit dans les comics. C'est un livre qui arrive qui arrive étrangement bien, hein, à poser un nouvel univers. Et en même temps, à être character-driven, tu vois, à s'occuper de ces personnages. Oui. C'est impressionnant. Comme je disais, tout est bien posé, mais en même temps, on s'attarde bien sur les personnages. Ça, je voulais venir après. Bah, c'est une autre force du livre. On a eu pas mal de bouquins, on va rester dans le canon cette fois, qui nous décrivent, on va dire, une période ou un organe politique ou une planète, ou voilà, où le but du bouquin, c'est de présenter le lieu, présenter la période, présenter le mouvement politique. Je pense à Tarkin, qui est un bouquin qui nous présente la machinerie impériale, mais de manière parfaite, grandiose. Il y a le roman Black Spire. Tarkin, c'est aussi présente... un cours culturel sur Eriadu. Hein, Oui, la planète Eriadu. Eriadu qui est dans la Haute République. Ouais, mais justement, et tout le monde, je me suis demandé s'ils allaient faire référence au fait que c'est une grosse planète de cinglés. Oui. Non, mais la fois, il est incroyable. Hein. Ouais. Attendez, on en parle après. Hein. Ouais, pardon. Pardon, mais incroyable. Laissez la ligne parler. Allez sur la doute, ils ne prennent pas au bon mec, les gars. Non, faites pas ça. C'est vraiment pas que je déconne, mais. Excuse-moi. Ouais. Donc Tarkin qui posait les bases voilà de la machinerie impériale, Black Spire inédit en VF pour l'instant, qui nous présente vraiment la planète Batuu, donc le lieu du parc d'attractions Galaxy's Edge. Donc on a certains de ces livres voilà qui nous présentent quelque chose d'incroyable, vraiment des théâtres d'opérations incroyables, des périodes incroyables, mais derrière qui ont une histoire ultra pauvre, voire même pour Black Spire plus que bancale, qui tient pas la route. Et là, Charles Soule arrive à nous faire à la fois un livre qui présente quelque chose d'inconnu, et contrairement à ceux que j'ai cités avant, quelque chose de totalement inconnu, parce qu'on est 200 ans avant les films, il y a tout à faire. Ouais. Et derrière, il arrive à avoir une histoire et des personnages qui sont prenants, qui nous prennent au cœur, qui nous prennent à l'âme, et dont on a envie de savoir ce qu'il arrive. Et donc, on a à la fois une présentation, une œuvre originale avec une histoire originale prenante, et les deux éléments ne sculptent jamais, ne se contredisent jamais, et surtout, ça ne s'essouffle jamais. Ah oui. Par contre, vous savez ce qui se culbute pas jamais ? C'était ça le plus grand piège. C'est Avar et Elzar. Ah, Elzar. Oh, dans le passé, tu sais, je pense que ça a dû arriver. C'est pour ça que je dis qui ne se culbute pas jamais. Mais je suis sûr que ça va venir. Mais non, mais c'est pas que ça va venir. C'est que tous les trois avec Stellan, on l'oublie, mais à mon avis, les années au Temple Jedi, quand ils étaient Padawan, ça y est. Je suis désolé d'avoir parlé de ça. Ça y est, c'est fini. Adrien, il va partir. Est-ce qu'on enchaînerait pas sur la partie suivante, mon petit Grushkov? Juste pour revenir rapidement aux personnages qui sont développés, relous. Il y a plein d'introductions. Il y avait un truc que je vais par rapport à Buriyaga. Vas-y, Matt. Moi, je voulais juste dire, au début, j'étais un petit peu. Enfin, je me disais, voilà, la première partie, elle est ouf, mais quand même, il y a beaucoup de noms, et je m'y retrouve pas trop, c'est un peu compliqué. Il y a des noms de même. Justement, il y a des noms de gens qui meurent juste après, donc c'est aussi un coup à se paumer. Mais finalement, il y a énormément de personnages, beaucoup de Jedi tout le long. Mais comme tu disais, Line, c'est qu'ils ont aussi vachement développé. Il y en a des passages qui sont très, très émouvants. Enfin, je pense au passage avec Buriyaga. Je pense qu'Adrien est d'accord avec moi. Enfin, tout le passage avec Buriyaga qui vient, malgré lui, assister à une petite cérémonie de remerciement avec les survivants, ça marche vraiment bien, quoi. Et ça décrit énormément de personnages. Et ils sont tous partis. Allô ? Mais non, moi, je vous laisse. On est là. Non, mais c'est aussi, justement, par rapport à Buriyaga, c'est techniquement, c'est lui qui sauve tout le monde, parce que eux, ils étaient partis pour sauver. Ils venaient pour sauver tout le monde, mais ils savaient pas que c'était. Le vaisseau de base, il transportait des gens et du coup ils allaient détruire les bouts de trucs et heureusement tu vois c'est un Jedi qui a fait toute la différence et un Jedi qui sait même pas parler comme les autres. Mais tu sais pas, c'est qui n'arrive pas. C'est un Padawan, c'est pas un Jedi. C'est un Padawan en plus, c'est un bébé. Oui, parce que d'ailleurs on s'attarde sur le point de vue des Padawan. Alors c'est pas le premier bouquin qui fait ça, il y en avait un qui était vachement bien. Je sais pas si tu te souviens, Line, L'ombre du chasseur. J'avais trouvé ça vachement bien avec Dark Maul. Oui. C'était en comics aussi, moi je l'avais lu en roman. Bref. Mais là pour le coup, on a le point de vue des Padawan. Alors on a Belle et Buriyaga qui sont développés. Je trouvais ça vraiment. Je trouvais que ça marchait bien. Dans la personnalité d'un Wookiee qui comprend les autres mais peut pas se faire comprendre de tout le monde. Et en plus, c'est un Jedi qui est quand même vachement sensible aux émotions. Je trouve que c'est vraiment bien tourné. Est super intéressant et du coup là on s'attache à tous les personnages même si finalement pour le coup Buriyaga je pense qu'il aura son heure de gloire plus tard quoi. Parce que c'est pas dans ce roman là qu'il est trop mis en avant. Oui, mais voilà, même si c'est pas mis en avant, c'est quand même lui qui sauve le plus de gens au final, juste en disant avant que les gens tirent là, ouh, attendez une seconde là. Je vais pas rentrer dans le détail parce que Buriyaga, je pourrais en parler pendant des heures, littéralement, vraiment. Un jour, j'aurai mon émission que pour lui. Mais c'est un détail qui est extrêmement important d'un point de vue de la représentation, parce que comme vous avez pu l'écouter dans le podcast avec Lucille et Sandy, j'ai évoqué le fait que Buriyaga représente finalement une personne handicapée qui ne peut pas parler et qui est obligée d'utiliser d'autres moyens pour se faire comprendre. Et qui, en plus de ça, n'est pas forcément écouté quand il parle, littéralement, hein, au début, quand il s'énerve, quand il grogne en disant attention, quand même, il y a des enfants dedans, dans le truc que vous êtes en train de tirer, quoi. Les gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, ton padawan, le couple, tu vois. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Ah ouais, non, Buriyaga, il est extraordinaire. Et puis, il est, ça fait du bien de voir d'autres Wookiees que Chewie, parce qu'en fait, on en a assez peu, j'ai l'impression. Et surtout, ils lui ressemblent tous à chaque fois. À part dans The Clone Wars et Rebels, où je trouve que les Wookiees arrivent à avoir un autre design. Je rejoue encore à Jedi Fallen Order, ils ont la même gueule que Chewbacca. Ouais. C'est triste. Là, on en voit deux. Pour ceux qui voient actuellement sur la version vidéo, déjà, on en voit deux. C'est Buriyaga et Arkoff. Et vous voyez, c'est pas du tout les mêmes tronches. Arkoff, on l'a pas vu encore. Oui, mais il y a quelqu'un qui a fait un... Ouais. C'est vrai. C'est Jack Bartok. On l'a pas encore vu. Oui, c'est écrit en petit. C'est 7-14 qu'ils sont maîtres à comprendre. Mais justement, il y a une seule personne qui comprend Buriyaga. Et c'est le cas aussi des personnes handicapées où leurs proches sont les seuls à les comprendre, pouvoir interpréter aussi leur ressenti et leur émotion. Donc, moi, ça me fait trop marrer Nibasek parce que genre, la plupart du temps où t'as de la description d'elle, en fait, c'est on te décrit à quel point son sabre laser il pue du cul. Genre, elle avait le sabre laser le plus déglingué. Ah oui, c'est elle qui a le sabre laser. Alors vraiment, vous savez, en fait, moi j'imagine Nib comme, tu sais, la grande tante ultra hippie qui vit dans une cabane avec plein de déchets partout, mais qui genre, tu sais, fume la drogue toute la journée, mais qui est grave cool, tu sais. Pour moi, c'est... Voilà, bah c'est en fait, c'est elle, l'ultime punk à chien, et son chien, c'est Burry. Ouais. Oh non, dis pas ça. C'est pas un chien, Burry. Et du coup, est-ce que, Laïne, toi, t'as d'autres choses à dire par rapport à la première partie? Bon, je pense qu'on a fait le tour de la première partie. Ouais. Ben, c'est parti. Le système Edza est sauvé. Le système Edza est plus ou moins sauvé. Il y a quand même eu pas mal de... Voilà. Ah oui, j'ai pas parlé d'un de mes moments préférés aussi, pardon. J'étais pas là pendant un moment, mais c'est... moi, du coup, dès le départ, enfin, très très vite, mon duo préféré, c'est devenu Loden et Belle, et leur petite aventure, là, dans la première partie, elle me fait trop rire, genre, Loden, il arrive, et il menace les gardes de leur péter la gueule, tu sais, et ils font, bah, tu vas faire quoi, tu vas me taper, et puis t'as Loden, il fait, bah, je vous donne rendez-vous derrière le haut champ, on va voir qui est, comment ça se passe pour vous, les gars. Il y a une vibe un peu Obi-Wan. Bah, ouais, oui, je dirais même Qui-Gon, hein, comme je disais, ils me font beaucoup penser à ce qu'aurait pu être Anakin et Qui-Gon, en fait, parce que Belle, il est très... Oui. Tu sens qu'il a beaucoup de potentiel, mais qu'il croit pas spécialement en lui, mais qu'il est très poussé par Loden, qui est jusqu'au boutiste, complètement... Il a super confiance, en fait, en son apprenti, en fait, et il lui montre en lui faisant faire n'importe quoi. Laissant tomber. Bon, bah, on se retrouve en bas, le mec qui saute du vaisseau. C'est... Bah, du coup, pour le coup, ça, c'est un truc qui est inversé par rapport à Anakin et Obi-Wan, par exemple, avec Anakin qui saute du speeder et puis Obi-Wan qui se retrouve tout seul en haut. Là, c'est l'inverse, c'est le mec qui saute. Genre, allez, ah, salut. Oui, oui. Mais c'est impossible que tu n'aies pas pensé à Obi-Wan et Anakin. Oui, mais ça, le fait de sauter, justement, ça est typiquement un truc que Qui-Gon aurait pu faire sans prévenir Obi-Wan, forcément. Quoi. Enfin, la dynamique, c'est vrai qu'on se rapproche de celle qu'aurait pu avoir Qui-Gon et Anakin. Je suis assez d'accord. Mm-hmm. C'est une très bonne idée, en tout cas. C'est bien amené, c'est plaisant. D'ailleurs, au final, moi, je m'en rends compte vraiment en reparlant de ça que Qui-Gon, il aurait eu totalement sa place à cette époque-là. Quoi. Il est juste né trop tard. Il aurait été parfait à cette époque-là, parce qu'en plus, il serait peut-être allé plus loin dans ses idéaux. Il y a plein de Jedi un peu impertinents, un peu spé, genre ils sont maîtres, ils font leur sauce dans leur coin, ou alors ils ont au même porteur qui a eu une vie de malade et que maintenant il est en train de faire des ragots au fond de sa grosse. Des super ragots. C'est une époque où, à partir du moment où tu deviens maître, bah, globalement, tu laisses un peu faire ce que tu veux, à partir du moment où ça peut aider l'ordre, plus ou moins. Quoi. Mais oui, clairement, il n'est pas né à la bonne époque, lui. Oui, on voit l'évolution. On t'oblige pas à rester dans une case, dans laquelle qu'on t'a défini. Tu et c'est encore plus des la force, dans Into the Dark. Ouais, j'ai à peine de commencer Into the Dark, mais déjà j'ai rencontré un peu toute l'équipe de Jedi et il n'y en a pas deux qui sont pareils, quoi. Ah, puis surtout, il y a Into the Dark, c'est un livre, rapidement, parce que c'est pas le sujet ici, mais si vous avez aimé Light of the Jedi et l'aspect organisation de Jedi, et surtout si vous aimez les Jedi de base, Into the Dark, c'est vraiment le livre à lire. Je sais pas ce que tu en penses, Lane, mais ça réussit parfaitement tout ce qu'il essaye, encore une fois. Hein. J'ai eu un peu plus de mal sur Into the Dark. Moi aussi. Il est bon, mais on sent qu'il y a on sent qu'il y a un cahier des charges qui a été fourni à Claudia Gray, surtout vis-à-vis du comic. Et ce cahier des charges fait que le livre est un peu brouillon. Le début, il y a le premier moitié, qui veut rentrer dedans, et ça s'enchaîne pas tip top, c'est il y a un sentiment étrange à la lecture, voilà. La première moitié, j'ai mis 2 mois à la lire, et le reste, j'ai mis 3 jours. Ouais. Bon, il y a des choses qu'on les accélérées et d'autres qu'on les ralentit. Ouais, c'est assez bizarre. On est d'accord. Après, venant de Claudia Gray, je me dis que c'est complètement pas mauvais quand même. Non, c'est très bien. C'est pas mauvais pour autant. Hein. C'est génial. Moi, j'ai adoré, hein, pour le coup. Voilà. Pour l'instant, mais vraiment, voilà. La Haute République, quoi. Voilà. Adrien, il allait continuer. Hein. Il dit on va pas s'éterniser. Non, justement, c'est juste pour dire que. Non, pour rien. Pardon. Non, la seconde partie. Il sort en français à la fin du mois, lisez-le. Voilà. C'est ça. Et on sera là pour en parler. Ouais, n'hésitez pas et on en parlera à l'occasion. De toute manière, je pense qu'en fait, là, vraiment, la lumière des Jedi, on va passer à la suite parce qu'il faut qu'on avance. On va passer à la partie 2. c'est un bouquin sur lequel on va revenir au moins une fois ou deux, je pense, dans la, par la suite. Là, on fait ça à chaud, mais à mon avis, il y a plein de choses à dire encore. Mm-hmm. Ah oui, oui. Enfin, toi, tu fais ça à chaud parce que tu viens littéralement de le finir, mais... oui, mais c'est, je veux dire, c'est un truc... Alors, ça fait un mois déjà. Ou décortiquer le bouquin encore énormément, et je pense qu'il y a encore d'autres choses à dire plus tard à tête reposée ou pas en live, quoi. Enfin, mm-hmm. Il y a encore d'autres trucs à dérouler. Du coup, la partie 2, c'est là qu'on découvre en gros la cause du grand désastre. Hein, c'est les Nile. On ne sait pas encore. Oui, on ne sait pas encore qu'ils en sont la cause. Non, mais on les découvre dans cette partie-là. On ne fait pas le truc dans l'ordre, quoi. Mais on les découvre. Oui, bien sûr. Et on ne sait pas encore que c'est de leur faute. C'est vrai. Et on sait que c'était fait exprès, d'ailleurs. Oui, voilà, on sait pas encore que c'est leur faute, et on sait encore moins que c'était voulu. Oui, c'était voilà. Fait volontairement. Oui, alors ça, par contre, ça arrive vraiment à la toute fin, et même dans la troisième partie, pour le coup. Et même moi, je ne m'étais pas fait prendre. Hein. Ça m'a surpris un petit peu que ce soit vraiment... Moi aussi, ouais. Moi, je me demandais surtout comment et pourquoi ils avaient fait ça, en fait. Pour moi, c'était évident que c'était fait exprès, par contre, mais je n'arrivais pas à savoir quel était le but, en fait. Mais là, surtout, on découvre les Nile, on suit l'enquête qu'il y a, et puis l'enlèvement. Il y a plein de petites quêtes un peu partout. Enfin, la partie 2, c'est aussi beaucoup la partie où ils mangent, en fait. Hein. T'as les Nile, tu les vois, ils sont à la cantine, ils mangent. Ils boivent aussi. T'as Belle et Loden qui vont voir Porter et ils mangent et ils boivent aussi. c'est la partie appétit. Ça rejoint une théorie que je suis en train de mettre en place de plus en plus. Je lis beaucoup de comics Marvel et je commence vraiment à penser que les meilleures œuvres, c'est les œuvres qui prennent leur temps. Et où on voit les personnages manger, aller aux toilettes, prendre la douche, prendre une douche, etc. Et pas parce que j'ai un côté voyeuriste, mais juste parce que, en voyant des personnages voir ce que nous on fait dans la vie de tous les jours, y a rien de mieux pour aider à l'identification. Et puis même de voir comment ils le font, c'est hyper. Culturel. Ah, attention, voyeurisme là. Je parlais de manger. je pense pas qu'on mange plus comme les Nile. Ou non, sinon manger, je suis pas invité. Mais tu vois que t'as qu'un seul enfant, toi. On tente leur pain. Non, parce que les Nile, ils mangent pas de la même façon que les Jedi, notamment. Enfin, c'est hyper important pour. Identifier, puis même pour visualiser aussi l'état d'esprit des personnages. C'est pas une vie qui marche bien comme ça. Ça, c'est des choses que, si vous avez l'habitude d'écouter le podcast, vous savez à quel point justement je suis attaché à ces moments où on respire un peu, où on laisse le monde vivre. Et j'en parlais justement en émission avec Sandy et Lucille. Mais c'est important de, des fois, laisser ces personnages manger, boire, parler, se questionner. Et c'est là aussi où le livre marche très bien. Hein. Il y a des discussions entre Eivar et Elzar qui marchent à merveille. Et c'est parce qu'il y a du temps. Oui, mais il y a... Enfin, là, ça marche parce qu'on est sur une période vierge. On te sort demain un roman où tu as Anakin qui mange avec Padmé. Je suis pas sûr que ça fera le même effet, tu vois. Parce que Anakin qui mange avec Padmé, on a déjà vu. Ouais. On en a littéralement déjà mangé et ça ne fera pas le même effet. Oui, exactement. On l'a vomi même. et là, rien qu'un repas, c'est l'occasion de voir. Bah, je vais caricaturer, mais c'est l'occasion de voir comment un repas est fait 200 ans avant la prélogie. Donc c'est l'occasion de poser et de voir le monde, donc de voir cette période neuve. Plutôt que de voir pif paf boum, sabre laser, explosion, hop, on a sauvé tout le monde. Même si à un moment, pif paf boum, sabre laser, explosion, et on a sauvé tout le monde. Évidemment, mais il n'y a pas 100% de ça. Ouais, non, mais et surtout c'est pas le même esprit, comme je disais, contrairement à la guerre des clones et tout. Là, ils sont vraiment là pour protéger les gens, ils sont pas là pour faire la guerre. Ils sont là, genre. Loden et Bell, eux, ils viennent pour protéger les gens du système. Ils restent sur le système Hetzal, hein, c'est ça? Loden et Bell? Ouais. Non, ils sont sur Elfrona. Non, ils sont sur Elfrona, oui, pardon, système. Qu'est-ce que je raconte? Oui, eux, ils sont sur Elfrona et en gros, ils protègent les gens de bandits. Il y a même une course-poursuite incroyable. Avec des dadas. Sur des dadas. C'est vraiment, pour le coup, voilà, c'est le western, mais avec des sabres laser. Et c'est super fun, alors, mais c'est pas. Ouais. Ils sont là pour protéger les gens, quoi. Ils sont pas là pour venir se battre. C'est très drôle que tu parles de western, parce que vraiment, je pense que. Vous savez tous que Star Wars, voilà, c'est un western. Et vraiment. Ah bah là, c'est obvious. Hein. là, c'est un western à un point, mais sur tous les plans. Sur le fait que voilà, les westerns ont comporté longtemps l'image que voilà, des Américains qui s'entraident pour aller dans l'adversité, pour aller d'un point A à un point B, pour étendre leurs frontières. C'est littéralement le principe du livre, le principe de la Haute République. Et c'est là où t'as plein de gens qui viennent t'expliquer que la Haute République, c'est pas Star Wars, mais ça n'a jamais été autant Star Wars, littéralement. On a la bordure extérieure qui est vendue comme une nouvelle Eldorado. C'est le Far West. Pas vers l'or, forcément, mais vers le... Oui, mais c'est ça. Oui, l'Ouest américain, oui, carrément. D'ailleurs, je note, c'est un des rares bouquins qui nous parle de la bordure extérieure sans jamais évoquer Tatooine. Ouais. Ça parle des Huts, mais ça parle pas de Tatooine. Si, ça parle de Tatooine. Non, Tatooine, il n'est pas cité à aucun moment. T'es sûr de ça? Attends, bah, je vais regarder. Je vais pas relire tout le bouquin maintenant, mais... Moi, je vais regarder sur la tranche. Sur la version numérique. J'en ai pas le souvenir. Moi, je me souviens qu'il parle des Huts, ça c'est sûr, mais... Les Huts, ils en parlent, effectivement. Ouais, alors les Huts, c'est plus que Tatooine, hein, à l'époque. Oui, mais c'est ce que je dis. Ah, les huts à l'époque, c'est l'espace hut et Tatooine n'a jamais fait partie de l'espace hut. C'est ça. Ouais. C'est tellement paumé que c'est même pas dans l'espace hut. Jabba est pas forcément le bienvenu dans l'espace hut, en fait. Mais d'ailleurs, oui, ça va être même aussi des trucs. Ils en veulent pas de Jabba, tu vois. Pour les prochaines périodes, parce que est-ce qu'on verra tous ces trucs-là dire la en fait, voilà, c'est ça. T'as vraiment de nouveau le sentiment. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas consommé énormément d'univers étendu. On en parlera la semaine prochaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'univers qui s'est re-étendu comme ça. Dans l'inconnu, quoi, avec les supports littéraires. Il n'y a même pas besoin d'aller forcément dans l'inconnu, mais je veux dire, dans la post-logie, je veux dire, on a pas mal de romans, de comics qui se passent pendant la post-logie, on commence à en avoir, mais on reste sur du très ciblé, très, très situé dans un mouchoir de poche de la galaxie. Ouais. On a l'impression que des choses du genre l'espace Hutt, des mondes anciennement Nouvelle République et tout, n'existent plus. On a l'impression que la galaxie se résume à la base de la résistance qui saute de planète en planète et le premier ordre qui les pourchasse. Alors mais que c'est trop ça, il n'y a rien que, autour. On sait que le premier ordre n'a simplifié qu'une poignée de planètes et qui menace toutes les autres mais sans les diriger et que la résistance arrête pas de sauter d'un monde à l'autre et donc on sait qu'il y a des milliers de mondes tout autour et la seule représentation qu'on en a de tous ces milliers de mondes c'est dans l'épisode 9 avec des milliards de vaisseaux là qui volent dans l'espace sans que on sache d'où ça vient. Il y a un grand vide, il y a une galaxie abandonnée, pas abandonnée par les mouvements politiques de l'époque, abandonnée par les auteurs et surtout les scénaristes. Surtout, c'est vraiment leur choix et tout, je veux dire, là justement, ils sont pris à une période. C'est pour ça que je dis les scénaristes. Oui, voilà, auteurs. C'est ça. Et là, on a directement tout qui est là. On a l'espace sauvage qui est mentionné, on a donc la République, on a la bordure extérieure, on a les Nihils, on a l'espace Hutt. Je serais pas surpris que les régions inconnues soient aussi mentionnées, j'en ai pas le souvenir, mais je serais pas surpris que ce soit aussi mentionné. Tout est inconnu à la République à cette époque-là, c'est assez rigolo. Donc voilà, et rien que dans les comics, je peux vous dire, l'espace Hutt, il est en train d'arriver. Hein. Ouais. Il est en train d'arriver. Donc, je confirme. Donc on a quelque chose d'ampleur où chacun va jouer son rôle. Mm-hmm. Voilà, ouais. c'est un nouveau conflit qui a l'air d'avoir l'échec galactique, mais alors qu'il est censé être beaucoup moins important en termes de taille de conflit, quoi. C'est pas un empire gigantesque. En fait, ce premier livre, il pose la base, c'est un conflit local, globalement, et vu la fin du bouquin, on s'amène vers un conflit plutôt d'ampleur galactique, mais pour l'instant, ça reste très local, et c'est une très bonne idée, d'ailleurs, de fonctionner comme ça. Je fais un tout petit aparté. Lane, tu sais où est situé à peu près, du coup, le flambeau stellaire, tu sais, tout, il est installé. Alors, je vais. J'ai beaucoup de mal à bien présenter la carte. Attends. Pendant que tu cherches, je vais rajouter ça. Voilà, continuez de parler. Par rapport à la. Je rappelle juste que. Tatooine. Tatooine n'est pas cité. Voilà. Ah, je le sais. Ça m'a surpris d'ailleurs. Pendant que Lane cherche, justement, par rapport au flambeau stellaire, hein, Starlight Beacon, j'ai noté dans mes notes que c'est très intéressant parce que si les Jedi sont arrivés aussi vite au début, c'est justement parce que ils visitaient Starlight Beacon et que la personne qui les faisait visiter a pris son temps, a vraiment voulu tout leur montrer et coup ils pouvaient pas partir et tout le monde, enfin le capitaine du vaisseau amiral des Jedi, il était tout ronchon et au final c'est grâce à ça qu'ils étaient là à temps et au final le truc est même pas ouvert encore, le Starlight Beacon, qui prouve déjà son utilité au final, parce que si Starlight Beacon n'existait pas et qu'ils avaient pas été en retard dessus, eh ben le système Hetzal, ben il aurait pas été sauvé du tout en fait. Alors je veux pas dire, hein, mais on peut remercier aussi Briaga pour ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que dans la nouvelle, ça se passe justement sur Starlight Beacon et en gros, il aide Pika et Jess à faire un truc en détournant le regard aux autres. Enfin, en gros, en les laissant partir, quoi. Donc voilà. Ok. Et si vous voulez savoir un peu, voilà, Charles Soule, il a écrit une nouvelle qui se passe un tout petit peu. Enfin, la première partie se passe un tout petit peu avant le roman, la deuxième partie se passe après, ou à la fin du roman. Et voilà. Et donc, ça donne un peu plus de. Un peu plus d'éléments. Hop, je vous partage l'image. Vous pensez quoi du Starlight Beacon, du flambeau stellaire? Vous en pensez quoi? Parce que pour moi, ça va. C'est justement, ça représente toute le tout de la République, quoi. C'est à la fois vouloir aider les gens, et en même temps s'immiscer dans leurs affaires, venir avoir une emprise sur la bordure extérieure qui a été abandonnée pendant des plombs et qui fait un peu sa vie. Et soudainement, la chancelière qui a un peu des grandes ambitions vient s'en mêler, quoi. Oui, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que la station a deux buts. C'est à la fois, on en fait une vitrine de la bordure, donc on va faire un bassin aquatique calamari pour montrer un peu la culture mancale. Oui, on va faire une forêt avec des expositions qui tournent et tout. J'ai trouvé ça assez drôle. C'est très. Forêt pour montrer comment est Botawi. Bref, des tas de trucs comme ça. Peut-être une exposition désertique pour Tatooine. Bref, j'en sais rien. Je crois qu'il y avait un côté un peu aussi la gauche, mais la gauche qui veut pas se mouiller, tu sais, qui fait des trucs genre culturels, machin. Oui, c'est ça. Des levées de fonds, ce genre de choses, qui veut sensibiliser les gens et au final fait pas grand chose. Mais ça a presque un côté voyeuriste, un peu regarder ces mondes un peu archaïques, comment ils sont, tu vois. C'est un peu méprisant, c'est-à-dire on va faire venir tous les gens de la bordure extérieure et comme ça ils vont pouvoir voir tout ce qu'il y a de beau dans la bordure extérieure et combien ils sont beaux ensemble et ils ont plein de belles choses dans leur bordure. Exactement. Et à côté de ça, il y a un autre but pour la station, c'est montrer la belle démocratie de la République et comment ça peut arriver chez vous. C'est super dangereux, en fait. On explore, on commence justement dans la deuxième partie à un peu explorer ça. Là, pour l'instant, ils ont la chance d'avoir quelqu'un qui croit vraiment à ça, qui fait pas ça de manière cynique, qui veut vraiment apporter des choses bien à tout le monde, en fait, qui pense vraiment de l'Inasso. Mais le truc, c'est qu'elle sera pas au pouvoir tout le temps. Et en plus, dans un conflit comme est en train d'arriver, on sait même pas comment elle va. Elle va rester par rapport à ses idéaux et tout. Et puis on nous fait comprendre que des flambeaux comme ça, elle en veut plusieurs, tout le tour de la bordure. Enfin, c'est à la fois de la colonisation, de l'intégration un peu forcée. Enfin, ça peut pas forcément bien se passer partout comme truc. Hein. C'est exactement ce qui se passe justement avec les Niles. Enfin, eux, c'est des bandits déjà dans leur coin, mais c'est ils sont quand même bien faits de base. Mais oui, ils ont apprécié moyen ils déjà. Ils attaquent parce qu'ils veulent pas des trucs. Et il y a plein de gens justement sur les planètes qui eux veulent pas des Jedi ou des trucs comme ça parce qu'ils sont très bien là où ils sont. Par exemple, il y a des gens, ils vivent juste bien là sur leur coin. Ils ont pas besoin de la République parce qu'ils vont apporter la merde et d'ailleurs on voit d'ailleurs toute la merde que ça implique quand c'est le Covid, hein, la route est confinée, enfin la bordure extérieure est confinée on nous dit plusieurs fois qu'il y a plein de monde au bord de l'insurrection parce qu'ils sont plus alimentés, ils ont plus de ressources, hein, ils peuvent plus se nourrir forcément non plus. La République envoie quelques convois sanitaires, mais c'est pas ça, enfin elle est quand même très dépendante du queue du centre, et en même temps, ils sont un peu laissés à eux-mêmes, quoi. Et on ferme les voies pour éviter qu'il y ait d'autres morts aussi, mais, enfin, c'est aussi les abandonner quelque temps aussi, quelque part, quoi. Donc, Oui, et puis, on voit bien qu'elle est très intéressée, l'Inasso, parce que ça marche dans les deux sens. C'est que le système Hetzal, s'il l'intéresse, c'est qu'ils sont en train de mettre au point le Bacta là-bas. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé dans la République. Ouais. Le Bacta, d'ailleurs, c'est dommage, ça a été un peu laissé de côté, je trouve, dans le canon actuel, mais surtout dans les X-Wing, dans Legion, c'était un truc essentiel, quoi. Et là, pour le coup, on revient sur le même modèle que Legion, c'est-à-dire que le Bacta, c'est une technologie plutôt, je mets des gros guillemets, récente. Si on joue ou on lit des comics Knights of the Old Republic, à l'époque, il n'y a pas de Bacta et on a ce qu'on appelle du colto. Le Bacta est arrivé plus tard. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le Bacta, en gros, c'est le liquide magique dans lequel baigne Luke dans l'Empire contre-attaque. Pouf, pouf, ça le soigne, c'est trop bien. Même si à la base, c'était pas prévu comme ça, je crois, hein, ça a été justifié comme ça par la suite. Mais en gros, c'est un liquide magique qui soigne. Et on existe aussi des patchs. Ouais. Ouais, après, tu peux le tartiner partout. Hein, mais il n'y a pas des steams aussi dans Fallen Order? Genre, tu te le mets dans les veines directement. Pour soigner, oui. Mais c'est du Bacta dans Fallen Order? Je pense. Je sais plus comment ils appellent ça, mais il y a pas mal de jeux Legend où il y a ça. Hein. Non, Fallen Order, c'est l'Empire, il y a forcément le Bacta. Hein. À cette époque-là, la Haute République, c'est quoi déjà le truc dominant? C'était la même chose aussi dans le Legends, il me semble, dans les Cotors, je crois. C'est le Colto. Colto, oui, c'est vrai. C'est ça. Qui vient de Manaon. Ils auraient dû mettre Qui-Gon dans le liquide magique. Mais si seulement. Si seulement ça marchait comme ça. Mais Elzal, au-delà de juste le Bacta, c'est des gros producteurs. Genre, ils ont The Fruited Moon et l'autre, c'est. Ah, c'est la bosse, hein. C'est vraiment, genre, c'est des champs à perte de vue, quoi. Même sur les bâtiments. Même les bâtiments, ils sont remplis de champs. C'est un peu le grenier de la brodeur extérieure. Ils alimentaient aussi apparemment, ils alimentent aussi le noyau apparemment, mais c'est surtout ils fournissent la bouffe à toute la brodeur. Mais comme la pointée du doigt, je ne sais plus quelle personne dans le fandom, c'est très intéressant justement parce que le livre Dooku Jedi Lost, qui était à la base un audiodrama, il y a aussi un conflit qui est un peu pareil où il y a Dooku et Sifo Dyas qui disent ouais, faut qu'on aille aider cet endroit là, cette planète là, parce qu'elle est en danger, et le conseil il est là genre oh non, on n'a pas trop envie et tout, et en fait la raison pour laquelle le conseil il décide quand même d'agir, c'est parce que c'est pour protéger justement la production de cette planète là quoi. C'est pas pour sauver les gens, et c'est pour la production quoi. Pour toujours dans l'idée, je pense, du bien supérieur. Enfin, du bien. Faut que ça profite au plus large, j'imagine. Ben, ça, faut qu'on en parle après du capitalisme. J'ai autre chose à dire. Mais ça fait déjà un petit moment qu'on parle, et je crois qu'il faut qu'on parle des Nile. Enfin, oui, vas-y. J'avais essayé de commencer, mais après, on est parti complètement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez des Nile? On va après voir, mais. Qu'est-ce que vous avez pensé des Nile? Voilà, moi je les ai kiffés instant, quoi. Et après, j'ai découvert Martian Row et je les aimais encore plus. Martian Row, vraiment fou. Je sais pas. J'ai mis du temps à les apprécier. Bon, quand toutes les annonces ont été faites, pour moi, c'était un sous-ennemi. Je voyais pas comment quelque chose pouvait représenter une menace pour la République, les Jedi. Ensuite, bon, le livre se passe, on se rend compte qu'avec leur technologie particulière de l'hyperespace, ils peuvent représenter une vraie menace. Mais même avec ça, notamment parce que le livre, à la fin, nous présente cet ennemi comme étant amputé d'au moins un tiers de sa force. Je me dis que ils sont déjà au bord de l'anéantissement, même si moi j'ai beaucoup aimé Lornadi, c'est ça son nom, ou Lornadi, voilà, elle m'a tout de suite plu. Et puis il y a le chapitre final du livre ou l'épilogue, je sais plus trop, où on découvre que tout était calculé depuis le début pour une raison bien particulière, très mystérieuse, dont on ne sait pas encore. Oui, on sait toujours pas pourquoi, en fait. Du comment. La fameuse lueur violette, là, parce que j'ai pas. Oui, voilà, c'est ça. La fameuse lueur violette, comme quoi Martian Row voulait kidnapper un Jedi pour on ne sait quelle raison, que tout son plan était pour ça. C'est même pas lui, Martian Row aussi. C'est vrai, c'est pas son vrai nom. Il dit que c'est pas son vrai nom, oui, mais c'est vrai que pour le coup, ça step up de ouf. Au début, tu te dis, bon, les Niles, ok, ça va être les méchants de ce livre-là, et puis après, on va passer à autre chose, quoi. Mais... C'est ça, c'est exactement ce que j'ai pensé, ou un petit peu dans les comics, etc. Et puis, donc, il y a ce chapitre final, et j'ai dit, ok, il y a peut-être quelque chose à en faire, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, il y a peut-être plus derrière que juste des pirates de l'espace qui ont, ok, une technologie un peu cheatée, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Moi, j'ai beaucoup aimé son... globalement. J'ai beaucoup aimé son monologue final à Martian, en mode, enfin, de toute façon, moi... Si je veux, je fais apparaître toute la flotte au-dessus de l'Inasso et je la bousille, quoi. Et c'est pour moi, en fait, toute la bataille finale et ce truc-là, c'était vraiment genre, ah oui, en fait, ils peuvent faire des dégâts et ils sont vraiment dangereux. Et alors que, pour tout ce que j'aime, la post-logie, ils représentent aucune menace, le Premier Ordre. C'est pareil pour les séparatistes. L'enjeu est très mal amené, en tout cas pour dans la postlogie, l'enjeu que représente le Premier Ordre est très mal amené, je trouve. Je trouve aussi, même dans la prélogie, hein, vraiment, en fait, je pense que c'est ça, c'est comme moi j'ai pas lu énormément Dieu et que les méchants en général ils sont quand même, je veux dire, à part dans Rogue One où j'ai trouvé justement que l'Empire tu les voyais enfin comme une menace, même dans, en fait, tu pourrais dire, même avec Résistance, tu pourrais dire, ça va développer un peu, mais en fait, les mecs, ils se contentent d'envoyer des escouades sur des mondes à la con, de la bordure, ou des régions inconnues. Il y a trois pécores sur la planète, mais il y a quelques soldats, quoi. C'est jamais, ça a une grande envergure. Du coup, en contraste, les Nile, tu sens que, en fait, ils sont une vraie menace. Pour moi, vraiment, dans toute la période, là, c'est pas la plus grosse menace au niveau des Jedi, mais c'est la plus grosse menace au niveau de l'équilibre de la République, je pense. À ce moment-là, ouais. Parce que, ouais. Oui, bon, il y a les Drengir qui sont à côté. Je vais laisser rien, parce qu'après, je vais partir dans un monologue de 10 heures, mais. Je vais laisser. Vas-y, vas-y. Vas-y, Adrien. Je vais prendre Adrien, ouais, des Nile, c'était un peu chaud. Ah, moi, en vrai, j'ai beaucoup aimé. parce que déjà, je trouve qu'ils ont la classe, et je me suis imaginé une espèce de thème musical des Niles, et j'ai vraiment envie qu'on les voit un jour en film, juste pour qu'on ait une musique, parce que vraiment, un truc à la Mad Max, hein, pour le coup, avec des grosses guitares électriques et des grosses batteries. Alors, en vrai, quitte à faire du cross-media, ce qui manque pour l'instant à notre République, c'est une petite bande-son, au moins avec des thèmes. Bah, vraiment, ouais, je suis d'accord. Ça je suis d'accord avec toi. Je me disais la même chose la dernière fois. Tu sais quoi faire, Grouchkov? Mais je me suis posé la question et je me suis dit... Mais go. Non, parce qu'il faut déjà que je fasse des musiques pour faut qu'on lance les dés. Ah, d'accord. Bon. mais en tout cas vraiment, c'est les Niles, pour moi, c'est une réussite. Je vous avoue que j'étais un peu déçu de voir que c'était que des méchants. J'aimerais bien qu'on voit... alors bon, je dis rien parce que voilà. Mais j'aimerais bien qu'on voit davantage de Niles, peut-être un peu plus... naïf, tu sais, dans le sens où ils sont là. De quoi? Je sais pas ce qu'il te faut. Non, mais naïf, pas dans l'idée. C'est con, ben ils sont là par hasard. Tu vois. Des gens qui sont pas forcément pour la violence ou quoi, mais qui ont rejoint les Niles parce que bah c'était une opportunité pour eux et tout ça. Ouais. Moi, j'avais envie de ça à la base. On n'a pas eu ça pour l'instant. Ah si, tu l'as dans le comics jeunesse. Oui, mais je voulais pas les spoil. Faut tout lire. Mais je dis pas que tu l'as pas eu pour l'instant. Mais j'ai tout bien. Mais pour l'instant, dans Night of the Jedi. Mais du coup, oui, voilà, c'est. J'aurais aimé en voir plus dans Night of the Jedi. J'étais un petit peu déçu de ce côté un peu manichéen, hein, voilà, des Niles, mais. Mais voilà, Martian Rowe, il arrive et je le bouffe tout cru, lui. Hein. Vraiment, quand il veut. Je suis pas sûr qu'il a envie de se faire bouffer. Ouais, bah je le laisse me bouffer, alors il n'y a pas de problème. Surtout que je sais pas pourquoi, mais... Tu veux lui bouffer. En lisant, pour moi, c'était genre le nerd... Tu sais, c'est vraiment, pour moi, c'était genre le gars un peu maigre, un peu grand... avec les cheveux noirs et un peu long, un peu geek, tu vois, et puis tu vois les images qu'ils font de lui et le mec c'est il est giga buff et tout, genre what the fuck les gars. Et surtout ça c'est dans le comics, hein, parce que les artworks étaient moins steak, hein. Ouais, mais d'ailleurs dans les artworks il était comme ça. Il y a dans l'artwork le tout premier qui est sorti de lui. En fait, je me suis rappelé que c'était Markion Rowe après avoir lu le livre, en fait. Et je me suis dit, oh merde, il est chum, l'artwork, en fait. Il est pas aussi beau que dans mes pensées. Mais heureusement, la bande dessinée jeunesse est arrivée. Et dedans, il a tellement la classe. Parce que oui, ça a été annoncé officiellement par Daniel José Holder, qui a dit que... Parce qu'il y a plein de gens qui l'ont dit, mais attends, mais... Est-ce que c'est Markion Rowe dans les BD jeunesse? Parce que son nom n'est pas cité et surtout, il n'y a pas le même casque que dans les livres et tout ça. Et en fait, Daniel José Holder, il a dit « Oui, c'est le même, mais il change de casque des fois. » Donc, Markion Rowe, c'est un putain de fashionista. Moi, je l'aime trop. Voilà. Mais il change de casque dans le bouquin, parce que moi, au début, je suis en train de lire sa description. Je ne sais pas du tout ce que j'ai pu voir. C'est vrai, je ne me rappelle plus, tu vois. Mais vraiment, voilà, c'est en fait une fashion victime. Il évite les fashion faux pas. Moi, forcément, je ne peux que l'aimer, voilà. Vraiment, c'est mon petit bébé et j'espère qu'il va gagner à la fin. Voilà. Monstre, ton bébé. Enfin... Oui, bah, il faut ce qu'il faut. Hein. Pour le coup... Pour le coup, le crescendo, il est violent sur la fin. Bah, c'est bon, moi, c'est une vieille, on s'en fout. Moi qui aime bien les rédemptions dans Star Wars, je ne sais pas comment il ferait, lui, tu vois. Là, c'est chaud. Là, je ne sais pas où ils vont. On passe d'un mec qui est un peu coincé dans un système bien pourrave qui veut... Ouais. S'extirper les trucs. Ah, j'ai absolument prévu depuis le début, j'ai buté des milliards de gens. Pour le coup, je l'aime bien, mais je pense que pour la rédemption, c'est chaud. Non, c'est clair. Il est spécial, ton crush, quand même. Après, bon, mais si vous parlez de Marissa Anteka, bon, elle est vieille, hein, c'est pas non plus... Ah oui, il y a tout ce truc-là, moi, qui m'a choqué de ouf. Oui, déjà, tu vois le nom de famille, encore une fois, je fais, ouais, tu connais ce truc-là. ouais, c'est giga chelou, ce truc-là. Genre, comment elle est connectée à l'hyperespace et tout, c'est... Ta gueule, c'est magique. Et c'est exactement ce que dit le livre, d'ailleurs. j'ai l'impression. En passant, le bouquin, il s'amuse souvent à les appeler les magiciens de l'espace, les Jedi, j'ai trouvé ça génial. Ouais, bah, c'est vrai. Hein. C'est juste enfin, factuel. Enfin, un livre qui s'assume. Dire des fois, j'irai pas jusqu'à un ta gueule, c'est magique. Je pense que si Martian Rowe veut un Jedi, ça a à voir avec l'espérance de vie de Marie qui semble être de plus en plus courte. Ah, tu penses que, bah, si tu prends un peu ce qu'on voit chez les romans de Timothy Zahn à côté, Timothy Zahn qui montre que les Chiss, donc la ouais. race de l'amiral Thrawn, ils ont les Skywalker, peuvent avoir la force. Voilà, ils peuvent avoir la force, mais que jusqu'à, on va dire, 13, allez, peut-être jusqu'à 16 ans, et que ces Chiss qui ont la force peuvent naviguer, en fait, dans les régions inconnues. Pour expliquer, hein, les régions inconnues, c'est un endroit où on ne peut pas faire de route d'hyperespace, puisque les systèmes solaires changent tout le temps. Ouais. Y a beaucoup de trous noirs, il y a beaucoup de nébuleuses, il y a beaucoup de merde, quoi. C'est le bazar. Et donc... c'est le bazar, et donc on peut pas prévoir des routes prédéfinies d'hyperespace puisque ça change tout le temps. Et donc en fait, il y a des navigateurs Chiss qui sont des enfants, littéralement, qui ont la force, et en utilisant la force, peuvent naviguer dans cet espace, et c'est comme ça que l'ascendance Chiss a pu exister dans cette partie de la galaxie. Ils s'appellent comment donc, déjà ces Chiss-là qui sont des navigateurs? Les Skywalker. Ah oui, comme... Oui. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup rire l'amiral Thrawn quand il rencontre Anakin et que Anakin lui dit « Je m'appelle Anakin Skywalker », bah il rit bleu. Rit bleu. Et là, est-ce que c'est un Chiss, Mark Yonrow, vu qu'il a... Mais c'est quoi dans la tête qu'il en est un? Il a les yeux peau grise et les yeux noirs, donc non. Ouais, non, il a les yeux noirs. Dispo grise, pas pour elle, elle, c'est vrai qu'elle est oui, grise et il la dessine grise. Mais sa race n'est pas nommée. Ouais. Je pense qu'on la connaît pas, hein. Ça va être une nouvelle race. Ouais, au début, je pensais à la race... On voit un mec dans la cantina qui est absolument tout noir dans l'Empire, dans la Guerre des Étoiles. Je pensais à ça, mais ça va être une autre espèce encore. Ouais. Je sais plus, c'était vraiment un mec en fond qui était juste maquillé juste en de couleur noire, et puis ils avaient dû intégrer ça comme ils avaient pu à l'époque dans le Dressel dans le Régente. Je sais plus, je ne sais plus, on retrouvera s'il faut. Mais donc tout ça pour dire que pour moi, s'il veut avoir un Jedi, c'est peut-être pour remplacer Marie, et que si Marie elle a cette capacité, c'est peut-être lié à un don de la force. Est-ce que tu veux bien nous expliquer, voilà, du coup, parce qu'on n'a pas dit ce que c'était la capacité Line? Oui, bien sûr. Donc Marie Santeca a cette possibilité de pouvoir créer des chemins hyperspatiaux uniques qui permettent de se déplacer dans la trame de l'hyperespace, et donc littéralement de pouvoir rejoindre n'importe quel point depuis n'importe où. Peu importe les puits gravitationnels que sont les planètes, les soleils et les trous noirs, mais ça nécessite à côté une petite technologie différente d'hyperespace, donc un moteur d'hyperespace différent que les Niles possèdent, et qui leur permet donc d'utiliser ces chemins. En français, c'est des sentiers, pardon. Des sentiers en français. Ces sentiers particuliers, uniques, que met au point donc Marie Santeca. J'ai une question par rapport à ça, Lane, parce que moi, j'ai vraiment une très mauvaise connaissance de comment marche la physique dans Star Wars, je t'avoue. Et je savais pas qu'il y avait des chemins dans l'espace, des routes dans l'espace. Est-ce que c'est arrivé avant? Déjà dans l'univers, ou est-ce que vraiment ça vient avec ça? Et justement, non, dans les films, c'est comme Marie fait, quoi. Non, il y a des routes, hein, vraiment prédéfinies. C'est-à-dire qu'on cherche le plus long chemin qui ne rencontre pas de soleil, qui ne rencontre pas de planète, qui ne rencontre pas de trou noir. Et donc, ça crée ce qu'on appelle une route d'hyperespace. Donc, il y a la route corélienne, la voie hydienne, etc. etc. Généralement, c'est balisé. Et en fait, c'est des endroits où tu es sûr que si tu passes par là, tu n'as pas trop de calculs à faire et que tu ne croiseras rien sur ta route, quoi. Donc, c'est par là que passe, c'est le chemin le plus safe et le plus court. C'est par là que passent la plupart des cargos et compagnie, quoi. Exactement. Et après, quand tu veux rejoindre une planète beaucoup plus éloignée ou qui n'a pas une route directe, bah, tu es obligé de faire plusieurs sauts pour emprunter plusieurs routes. C'est comme prendre un échangeur. Tu fais un saut, tu sors d'hyperespace, tu rediriges ton vaisseau, tu fais un autre saut, etc. etc. Marie Santeca, ses chemins permettent d'éviter ça. C'est tu fais un seul voyage, tu fais un seul saut. Parce que les gigas sont en maths. Parce que elle peut voyager à travers directement, on va dire, à travers la dimension de l'hyperespace. Parce que l'hyperespace, c'est une autre dimension. Ouais. Pas la même dimension. C'est chelou. D'accord, oui. C'est bizarre, c'était plus simple en Legend, je préférais. Ouais, mais ça fait partie intégrante du récit pour le coup. Là, oui. Justement, c'est tout le bazar est causé à cause de ça. Et c'est justement grâce à ça que les Niles, pour le coup, justement, comme on disait, enfin, comme moi je disais, c'est une vraie menace, quoi. Ils foutent. Et ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. C'est une vraie menace parce que là, ça pose, même si ça avait été un peu montré par d'autres œuvres du canon actuel, ça pose les bases de dire que le tunnel d'hyperespace n'est pas unique. Parce qu'en Legend, un vaisseau rentrait dans l'hyperespace, dans son tunnel, il était tout seul. Mmh. Aujourd'hui, quand une flotte rentre dans l'hyperespace, tu peux voir les différents vaisseaux dans ton tunnel avec toi à côté. Mmh. Vous voyez la différence ? Oui, ouais. Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc ça veut dire que à partir de maintenant, tu peux rencontrer quelqu'un dans l'hyperespace. C'est ça que ça implique. Voilà, c'est ça. Bah, c'est exactement ce qui se passe au début. Tu peux attaquer quelqu'un dans l'hyperespace. Et c'est surtout ça qui est très important et qui est la base de ce roman. Je te remercie de ces précisions parce que c'est vrai que j'étais un peu perdu. Je m'étais demandé si j'avais... Enfin, parce que moi, vraiment, je ne connais rien en physique dans Star Wars et comment marche ça. Et je te remercie, Lane. Ça fait beaucoup de plaisir de comprendre un peu mieux comment ça marche. Moi aussi j'ai dû réapprendre un peu tout ça parce que j'avais tous mes a priori Legend. La première fois que j'ai vu l'épisode 7 avec Podamon qui communique dans l'hyperespace, j'ai eu envie de crier devant mon écran de ciné, quoi. T'es vraiment comme ça, toi. Mais il me semble que dans le noir, dans Rebels, il y avait déjà les éléments il y a un hyperespace qui était un peu plus flexible que ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Je sais plus quand est-ce que j'ai vu Rebels. On avait déjà vu plusieurs vaisseaux en hyperespace en même temps, enfin un truc comme ça. Rebels, ça a commencé quelques semaines avant la sortie du film, le 7. Ouais. Non, un an avant. Un an avant. Ah oui, vous avez raison, fin 2014, oui. Ouais. Tu criais déjà toutes les semaines. Alors Rebels, celui-là, il m'a fallu du temps pour l'apprécier. Hein. Non, je sais. C'est vachement bien. Et même encore aujourd'hui. C'est vrai ? Non, mais on sait que t'aimes rien, Lane. J'en ai longtemps voulu, hein, je sais que. Oui, mais Matt, toi, t'en veux à tout le monde pour n'importe quoi. Non, mais Magasin, avec ses takes pourris sur Rebels sur Twitter. Oh. Ah, mais. Mais je suis désolé, Adrien, mais pour une fois que c'est pas moi qui fais les takes pourris, je suis très gros. Décidément, ça. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette partie 2? Mais moi, je vais parler de Niles, j'ai pas parlé de Niles, parce que je les ai trouvés un poil décevants, en fait. Parce que moi, tu me parles de Niles, enfin, au début, entre le look, le nom, je m'attendais à des machins un peu plus anarchiques que ça, un peu plus, des pillards, des espèces de gangs à la Mad Max, limite Fury Road dans l'espace. Et finalement, ils ont une espèce, ils sont quand même vachement cons, ils sont quand même vachement naïfs, avec une vraie hiérarchie, ils sont, finalement, comme c'est décrit, hein, c'est un joli petit système qui marche bien avec des gros mecs à la tête qui s'en foutent plein les fouilles. Et au final, les mecs les rejoignent pour, enfin, les gens rejoignent les Niles pour devenir libres, mais ils le sont pas plus que dans un autre système, finalement. Bah ouais, bah c'est ça, c'est... C'est super, finalement, c'était super intéressant. C'est le stalinisme, en fait. On te fait croire que c'est de gauche, mais en fait, pas du tout, c'est ultra-capitaliste. Pardon. Mais non, j'étais... Je trouvais ça intéressant, mais moi j'espérais pour le coup au début, j'espérais un truc plus anarchique que ça et vraiment des mecs un peu électrons libres. Pas d'accord. Dans l'idée. Mais finalement, c'était quand même intéressant. Vas-y. Finalement, c'est juste des pirates un peu débiles. La masse, finalement, c'est une bande de pirates un peu deb. Ils sont finalement qu'un outil pour Marchand Rose. C'est pour ça qu'au départ, ils sont nuls à chier en fait au début. Tu les vois, tu te dis, mais comment ils peuvent être une menace, ceux-là? Ils sont tout pourris, ils vont s'entretuer eux-mêmes et tout, mais juste parce qu'ils sont stupides. Et en fait, justement... Pour ça, c'est cassave, je trouve. Ouais, mais justement, à la fin, t'as Mark Fion, il prend le contrôle, et c'est là que tu te dis, ok, là ça va moins rigoler. Oui, je suis curieux de voir ce que ça va donner clairement par la suite, hein, mais là pour l'instant c'est vrai qu'ils faisaient pas spécialement, enfin, ils font pas peur, enfin dans l'idée c'est des pirates quoi, c'est des pirates, ils foutent le football. Je verrais presque Marchenro continuer son plan de son côté et Lournadi prendre le contrôle des Nine, non? Ouais, mais elle a compris qu'il fallait pas qu'elle fasse n'importe quoi avec Martion, justement. Ouais. Mais à mon avis, elle aura une... Je pense que Lorna, elle va justement peut-être s'émanciper des Nine et partir de son côté quand elle va comprendre que Marchenro se fout de sa gueule. Bah pour le coup, quelqu'un qui pourrait avoir une sorte de rédemption... tu vois, toi qui faisais le lien avec les Cloud Riders, Lornadi, ça pourrait carrément être une espèce d'ancêtre des Cloud Riders, du coup. Bah, moi, c'est ce que j'avais dit à justement Lane, je te rappelle, mais on avait parlé un petit peu des Nile et je t'avais dit que leur design me faisait penser à ceux des Cloud Riders et dans ma tête, je m'étais mis en tête que en gros, Enfistness et sa bande avaient repris des bouts d'armure de Nile pour refaire les armures des Cloud Riders et du coup, voilà. Donc j'espère que c'est ça, mais je pense pas. Il y a quand même pas mal d'années entre les deux, hein. Ça fait beaucoup de décalage. Mais, 200 ans, tu parles encore de... Il y a des gens qui parlent encore de Napoléon aujourd'hui, tu vois. Oui, mais ils portent pas des casques napoléoniens non plus. Ah non, il faut des dîners clandestins. Oui, c'est vrai. C'est le nom d'un groupe de Zouk des années 80, mais c'est surtout c'est que tout le personnage... Sans aller jusque-là, les Niles sont plus que mentionnés dans les comics Afra qui se passent donc 200 ans, même 240 ans, 260 ans plus tard. Même dans la postologie, ils regardent Rise of Kylo Ren, ils vont dans des ruines des Jedi de la Haute République. Elfrona. Oui, voilà. Ben voilà. Justement, ils vont dans le temple d'Elfrona qui est dans le roman. Et il y a aussi la base de Snoke dans les comics Kylo Ren où justement, bah pareil. C'est les Drain Gear. Voilà, mais je dis pas plus. Non mais le livre sort à la fin du mois, spoil. Non mais c'est la base du bouquin. Je l'ai même pas lu moi. Et tu sais que moi je me suis rendu compte à la fin. Ok, d'accord. Bon j'ai rien dit. Spoilers, attention. Oups. Du coup, on disait, ben oui, mais c'est pour ça que moi je les ai trouvés très fun dès le début, mais effectivement, oui, ils sont tout pourris au départ. C'est vraiment que à la fin, parce que t'as enfin quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire, qui prend le contrôle en fait. Oui, tout du long, globalement, oui, parce que c'est à la fin qu'il prend le contrôle du truc et qu'il peut en faire quelque chose, mais globalement, tout le long, oui, c'est des pions, hein, c'est des pions. Le truc que j'ai bien aimé, c'est Kassav qui est super intéressant, parce que lui, c'est vraiment la vision old school des Nile, qui vient, du coup, se percuter avec ce que veut faire Martian, et son point de vue, enfin, c'est assez intéressant. C'est vraiment l'idée, voilà, je crame la vie par tous les bouts, je fais n'importe quoi. Il est tellement con. C'est le plus con de toute la bande. Pour le coup, il est super fun à suivre, je trouve. Bah oui. D'ailleurs, la séquence avec Ariadou, bon, elle se termine très mal, mais elle est incroyable. Ah, mais oui, quand il est là, il fait le malin, je m'imaginais Hondo Onaka à moitié à poil avec une cape et un casque. Oui, pareil. Complètement déchiré et. Comment ils appellent ça, wake punk, un truc comme wake punk, la musique qu'ils écoutent là, en gros c'est des grosses percussions métalliques, le mec déchiré en train de faire. Et d'ailleurs le livre audio est extraordinaire là-dessus, parce que du coup tu écoutes un livre audio Star Wars et t'as du gros punk derrière et c'est extraordinaire à entendre. Rien que pour ces séquences avec ce personnage là, ça vaudrait le coup. Ah mais c'est vraiment ça, c'était génial, surtout que Mark Thompson qui fait la narration et les personnages dans cette version audio, il est à 2000%, il cabotine à mort, c'est extraordinaire. C'est génial. T'as des personnages qui vont parler super bien comme ça, et puis celui qui va leur répondre, il va faire ça. Et derrière, t'as du gros punk. c'est génial. Et on a pas parlé de Panetta. Panetta, j'ai pas grand chose à dire pour le coup, parce que autant que Kassav, c'est vraiment le cliché du pirate et ça marche très bien, c'est le Nile original, enfin le Nile old school et tout. Panetta, alors ce qui est rigolo, c'est que c'est un bourrin, enfin, c'est une espèce qu'on peut considérer comme bourrine, mais qui a l'air vachement, comment dire, pas cultivé, mais je cherche un mot raffiné, il est plus raffiné, ouais, c'est ça. Dans son approche. Pour moi, il est joué par Jack Black. Dans ma tête, c'est Jack Black. Jack Black raffiné. Vraiment, dans ma tête, c'est Jack Black. Bizarre comme. Comme association. Un jour, tu me laisseras faire une émission fancast de Haute République, Grouchkov ? Non. Tu ne gênes pas pour le faire maintenant. Donc. Oui, c'est vrai. C'est un personnage qui passe un petit peu à la trappe. Mais vu qu'on s'oriente vers une trilogie, là, non, avec les bouquins. Oui. Oui, en fait, des trilogies pour chaque truc, je pense. En fait, l'univers des Jedi, elle va avoir une suite directe. Oui. Ce sera l'épreuve Storm. Des Jedi et après la quête des Jedi, je crois. Non, ça, c'est mais les noms. Ça, c'est non, les non. noms. Non, il y a différentes phases. Il y a des phases et à l'intérieur des phases, il y a des vagues. Ah, ok. Non. Donc là, on est. Ceux qui arrivent là, Rising Storm, c'est. C'est la phase 1 encore. C'est la deuxième vague de la phase 1. Oh shit! Ok, d'accord. La phase 1 prend fin quelque part en 2022. Ah oui, ouais, d'accord. Bah oui. Pas, j'avais donc pour moi, 2022, c'était la troisième vague. Une troisième... Non, tu auras une troisième vague pour la phase 1 fin de l'année. Du coup, enfin, vous n'aviez pas compris ça, moi ? Et entre chaque phase, tu comptes à peu près 70-80 ans. Ça va être génial! Ah oui, c'est une vraie saga. La phase 3 se passe 80 ans avant la menace fantôme. Environ. Il m'en fout, il rend encore Burger, gars. Sauf s'il est mort avant. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ça va être dit. Enfin, on va voir plus tard un bouquin plus sur avec Panetta mis en avant et un autre avec Lornadi mis en avant. Bah, Lornadi, ça a été annoncé. Livre audio. Elle a son livre audio, voilà. D'accord. Enfin, son audio drama. Chacun leur focus, surtout Kassav avec on a dit qu'il se met avec des trucs qui se mettaient en place et puis Kassav, ça m'étonnerait qu'ils reviennent en fait. Dans celui-là, c'est fait. On a dit on a mis des trucs en place. Okay. Pour le coup, Panetta, il était vraiment de côté lui. Hein. Et pour le coup, tu vois, je suis déçu parce que justement Kassav, il était beaucoup plus développé que Panetta et du coup, c'était logique qu'il se fasse crever comme un caca à la fin. Surtout, c'est génial comment il crève. Mais oui. Et c'était mérité parce que c'est un gros crétin et le mec il attaquait Riyadou, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive de bien dans sa vie. En plus elle le prévient, elle lui dit attention, pas... vraiment, vous allez mourir. Même... Mais c'est même pas de sa faute, en plus il a voulu les sauver. Il est quand même formidablement bête. Hein. Ça, c'est... Bien sûr qu'il est con, mais il a voulu les sauver. Oui, bon. mais j'aime vraiment justement la gouverneure de Riyadou qui est là en mode ok, bah, d'accord, on va vous retrouver. Et vraiment, je vous regarderai mourir, quoi. Je vous regarderai mourir de mes propres yeux, quoi. Bah, elle le fait, et ils le disent. C'est très fun. Comme quoi, vous voyez, Star Wars, c'est pas difficile de faire des payoffs satisfaisants. C'est Tarkin avec juste un peu plus de cheveux, en fait. Mais... Oui, c'est ça. c'est ça. Pour moi, ils ont repris, dans mon fancast, ils ont repris le modèle de Peter Cushing de Rogue One. What the fuck? Mais il en met une perruque, c'est tout. L'autre point que j'ai relevé avec les nègres, que je trouvais aussi intéressant, et après je s'en mets plus, c'est passage qu'on a avec la pilote au-dessus d'Elfrona qui expliquait, enfin, c'est un passage où il explique un peu ses motivations. Et ça parle de ces gens qui sont venus vivre sur Elfrona alors qu'ils appartiennent à une famille aisée d'Alderaan. Ils sont partis comme un retour aux sources parce qu'ils avaient tout, bien. Alors on a retourné à une vie plus simple, machin. Et elle, ça la dégoûte parce que, comme elle dit, il y en a qui sont nés dans la boue et qui restent dans la boue. Et toi, t'as la chance d'avoir tout ça. Pourquoi tu retournes dans la boue, espèce de connard? Et il y a une dimension sociale dans cet aspect-là où on a ces bourgeois qui retournent à la terre alors que eux ils sont obligés de devenir ce qu'ils sont, devenir les knights, des pirates pour avoir aussi leur part du gâteau, quoi. Donc tout ça c'est super intéressant et du coup c'est aussi de ça que se nourrit l'ENAL, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui les rejoignent parce que justement ils n'ont pas d'autre solution ou d'autre échappatoire. Il y a tout un passage, enfin un passage j'exagère, mais il y a un passage aussi avec comment elle s'appelle cette planète qui se fait défoncer juste après Ezal. Eh ben, ils en ont parlé dans le chat tout à l'heure, c'est Ad. J'ai plus le nom, mais c'est Ad quelque chose. Adlib, non, c'est pas ça. C'est Abdalis. Abdalis. Abdalis, voilà, où justement on t'explique qu'il y a, globalement, il y en a plein qui vivent dans la mer, dans les bidonvilles, et puis t'as les tours avec qui sont blindés de thunes, et puis t'as le Elon Musk local qui décide d'emmener sa société en orbite pour la mettre à l'abri, au moins le temps que ça se calme et tout. Enfin, il y a un petit discours social quand même dans tout ça, quelque part, qui est quand même vachement cool. Et oui, bien sûr. C'est pas assez développé à mon goût, bah les Niles, c'est aussi une conséquence de ça, et je trouvais ça intéressant. Surtout le petit passage qu'on a avec c'est une foudre, je crois, non? Ou non, c'est un nuage, hein. La meuf, c'est un nuage. Et, qui propose d'aller kidnapper ces mecs-là parce que ça la rend folle juste qu'on puisse avoir, être aisé et vouloir revenir à une vie plus simple. À bêcher des cailloux sur Elfrona. D'ailleurs, comme on en parlait tout à l'heure, mais les connexions avec les Cloud Riders, bah, t'as aussi littéralement leur nom qui est Cloud Riders. Pour le coup, au niveau connexion avec les Niles, ça. Ah putain, j'avoue, aussi, j'étais pas prêt en fait. C'est moyen. Et surtout, ça se trouve, voilà, ça va vraiment découler du truc. Vraiment, meilleure nouvelle de la soirée. En fait, moi, je me disais, ouais, une trilogie pour. Pour tout conclure, ça va être chaud, mais en fait, ça va être trois vagues par phase, en gros, je pense. Ouais. Si je comprends bien. Et au moins. Ouais, c'est ça. Normalement, c'était sorti une vague par an, en gros. Du coup, là, on arrive à la deuxième vague bientôt en VO, et la troisième vague en VO l'année prochaine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ça va être génial. Il y aura peut-être même une quatrième vague dans la phase 1. Ouais. Et c'est génial parce que du coup on va voir des gens, justement on parlait des Santeca, bah là à cette époque là les Santeca c'est quoi, c'est des barons de l'hyperespace en gros, c'est des gigabourges et on voit leur descendant qui se fait buter comme un vieux clodo sur Jakku dans le désert comment il s'appelle, je connais pas ce personnage. Kylo Ren, oui. Ce qui est rigolo, c'est la réutilisation des Santeca, et qui est pas conne, parce que on avait déjà leur Santeca dans les comics Kylo Ren, qui était fait par Charles Soule. D'ailleurs, Charles Soule a dit que c'était son personnage obscur préféré, leur Santeca. Il y a Star Wars Explained qui a fait des interviews avec les auteuristes de la Haute République, et une question qu'il aime bien leur demander, c'est quel est le personnage ultra obscur dont vous êtes super fan, et lui il avait dit Lord Santeca, et en lisant le livre je me dis effectivement je crois que je vois un peu même je vois ton dernier comic sur Kylo Ren, effectivement. Il y a un truc, et ça va être rigolo justement de voir ces familles puissantes comme eux, comme les Staros, hein, qui sont genre super dans des positions de force au tout début de la Haute République, et à la fin c'est quoi, c'est une exploratrice pour les Staros, c'est un explorateur aussi d'ailleurs d'un autre type pour les Santeca, contrebandière, pour les Staros. Mais comme elle est avec... Enfin bref. Du coup, j'ai fait un amalgame entre les deux. Mais peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de... Rapidement, je vais vous saouler, mais de la scène justement qui se passe dans le milieu du livre, à propos de Bruyaga et Nib, où on se rend compte que Serge n'est pas mort, putain. Oui. Je pensais qu'il était vachement bon, qu'il marche très bien... Elle est super cette scène. Ouais, elle est très belle. Elle est douce toujours. Il y a cet aspect-là. Bruyaga, il a un côté ultra doux, mais qui arrive à être retranscrit à merveille à l'écriture qui est fantastique, où tu sens qu'il a cette déconnexion, il se sent différent. il est considéré comme différent par les autres. Mmh, et oui. Malgré tout, il s'accroche et il est entouré de d'amour, et c'est une boule d'amour, Buriega. Et c'est incroyable. C'est un personnage qui est fantastique, qu'on voit trop peu, je trouve, mais qui est merveilleux et qui est la clé de l'histoire. Hein. Sans lui, ils auraient jamais pu finir le. Enfin, ils auraient jamais pu accomplir ce qu'ils ont accompli. Ouais. Ouais, non, c'est j'aime beaucoup le traitement du personnage dans le bouquin. C'est assez court, c'est pas le personnage principal, mais c'était drôlement bien. Il y a Belle qui est bien traité aussi. Absolument, oui, oui. Belle, il est merveilleux. La scène, justement, enfin, sur Elfrona, si on part du côté d'Elfrona, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé dans le milieu du livre, où justement, Belle va se retrouver avec Loden et aussi Indira, hein, qui est une maître et porteur. Donc sur la planète Elfrona et il y a tout ce côté, comme tu dis, tu l'as pas dit, mais je pense que je vais t'enlever les mots de la bouche, mais voilà, et Belle, il a un côté pas naïf, parce que on sent qu'il arrive à la fin de l'adolescence. On sent qu'il commence à prendre confiance en lui. Là où, par exemple, Reith dans Into the Dark, c'est le contraire. Lui, il est vraiment au début de son processus de chevalier Jedi. Mais on sent que Belle arrive à terme. On sent qu'il comprend quoi faire. En fait, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça, Loden, il sait qu'il lui manque rien. Loden, il a confiance en Belle plus que quiconque, je pense, plus que lui-même. Et la relation entre les deux, Grushkov, je te laisserai en parler, mais elle est merveilleuse. Je sais pas s'il est encore revenu, il a dû s'absenter un petit instant. Bah, Lane, qu'est-ce que tu penses de ce tout le passage sur Elfrona dans la deuxième moitié du livre? Enfin, deuxième tiers. J'ai surtout apprécié la troisième Jedi qui est avec eux. Indira, ouais. Voilà, Indira. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup apprécié le personnage d'Indira. Peut-être que j'ai pressenti ce qui arrive à la fin du livre, c'est-à-dire que Belle devient Padawan d'Indira, avec la disparition de Loden. Ouais. Je pense que, oui, c'est malheureusement peut-être un peu un défaut sur les livres Star Wars. D'ailleurs, il est aussi dans le Test of Courage. Quand on commence à te présenter un Padawan avec un maître, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je sens que le maître, il il tient pas jusqu'à la longueur du livre. C'est l'évolution logique. Enfin, c'est ça. Surtout que c'est Padawan qui arrive au terme de son apprentissage. Donc, exactement. Mais quand dans le livre, t'as que le Padawan, le maître, ça peut aller. Quand t'as le Padawan, le maître et un Jedi qui pourrait reprendre le flambeau du maître, tu sais que ça va pas forcément bien finir. Mais surtout que le livre va progressivement rapprocher Belle avec Indira. Donc on voit qu'une complicité se crée entre les deux. Et donc, oui, la relation entre Belle et Loden est assez drôle. Moi, ça m'a surtout fait rire au début du livre. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est l'évolution de la relation entre Belle et Indira pour mener à ce qu'on sait, donc à la fin du livre, donc l'apprentissage de Belle sous les ordres, sous les conseils avisés de sa nouvelle maître. Et puis, comme Indira, c'est un personnage qui m'a tout de suite plu et qui m'a tout de suite intéressé. J'ai bien aimé et je la trouve même plus intéressante que Loden. Loden, pour moi, c'était un peu plus le bon Jedi qui fait ce qu'on lui dit. Enfin, c'est un bon repère, Loden. En fait, il ressemble beaucoup à des Jedi qu'on a vus par le passé. Donc, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Ça marche bien. Tu sais que ça marche bien dans tous les cas, quoi. Et après, voilà. Je préfère être surpris, moi. C'est un bon point de repère. Et après, du coup, t'as tous les autres autour qui sont plus intéressants. Pas apprécier une Jedi qui a un chien, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Ember Moutison en français, mais juste par rapport à Loden et Indira, je vais pas percuter en fait l'est, mais même d'un point de vue narratif, le fait que ce soit Indira qui rattrape Belle en bas de la montagne, c'est littéralement, esthétiquement, c'est littéralement l'Oden qui donne le flambeau à Indira. Tu vois? Évidemment. Et lui donne, il lui donne Belle en peut-être, je sais pas s'il pressent sa chute, mais il donne littéralement Belle à Indira, tu vois. Non, parce qu'il considère qu'à la fin, Belle, pour lui, à la fin, il est bon à devenir Chevalier Jedi, enfin. Oui, bien sûr. Belle aurait pu devenir Chevalier, c'est juste qu'il le souhaite pas pour l'instant. Bien sûr, mais esthétiquement. Esthétiquement parlant, symboliquement parlant, ça a du sens. Ah oui, il y a une transmission. Il jette littéralement Belle dans Indira en disant, je sais pas s'il le dit ou il le pense, mais ce que ça dit, ce que ça symbolise, c'est que vraiment, voilà, l'Oden avait apporté tout ce qu'il avait apporté à Belle, et il lui dit à la fin, il lui dit, voilà, t'es prêt, j'ai plus rien à t'apprendre. Quand Belle sauve les membres de la famille à toute fin et qu'il est devant et c'est une scène qui est magnifique, où il prend son sabre et il arrive à dévier toutes les balles qui arrivent sur lui pour sauver la famille qui est derrière lui, mais et là où t'as l'Oden qui arrive et qui non pour sauver l'Oden, je sais plus comment ça se passe, mais en gros voilà, et l'Oden lui dit mais t'es prêt en fait Ben, et ça y est quoi, tu vas devenir un chevalier Jedi. Mais il a trop de doutes en lui, c'est ça. Ouais, oui, il est pas confiance en lui assez, hein. Peut-être on enchaîne peut-être sur une autre sous-histoire, une autre sous-intrigue à propos du milieu du film, hein, du film du livre, je vais y arriver. Celle, forcément, on va y passer, hein, qui se passe à Naboo, avec Eivar, Elzar et aussi le couple Santeca. Lane, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce passage? Donc là, on arrive vraiment sur la partie du livre où il faut chercher pourquoi cette tragédie est arrivée. Donc, faut chercher des informations sur surtout l'hyperespace, comment ça fonctionne, etc. Donc autant aller voir les barons de l'hyperespace, les Santeca, qui, sans surprise, hein, ils se doutent, mais trop de honte pour leur famille, trop de fierté mal placée. Hein. Bah oui, c'est des riches, hein. C'est pas surprenant. donc voilà. J'ai trouvé ça un peu dommage que les Jedi poussent pas plus loin. Parce que ils sont pas dupes, ils comprennent, ils le savent, ils le voient, et donc le grand secret du livre, hein, parce que finalement le grand secret du livre, hein, c'est vraiment la technologie des Nihil, cette technologie de l'hyperespace qui a causé cette catastrophe, aurait pu être résolu ou en tout cas découvert par la République et les Jedi dès cet homme-là, et je trouve ça un peu dommage parce que c'est presque là pour le coup, je sens que on garde des pierres pour les livres suivants. On garde des pierres pour que cette technologie, cette manière de faire des Nihil soit découverte plus tard par les Jedi et la République et soit un enjeu un peu plus tard dans d'autres œuvres. Oui, complètement. Matt, t'en as pensé quoi de ce passage? Je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'avait pas creusé plus loin. Effectivement, après, c'est intéressant de garder le mystère pour la suite, oui, forcément, ça nuit pas au récit, en l'occurrence, mais ouais, tu sens qu'il y a un truc qui se trame et il va falloir creuser, voir ce qui se passe. Pour déjà, on se dit bien que ça concerne, comment s'appelle, Marie? C'est ça, Marie? Ouais. Oui, Marie. Marie Santeca. Il y a des sales bails en dessous, des bails obscurs chez les Santeca, donc. Ça viendra, hein, mais... Non, je trouve que c'était intéressant de teaser comme ça, doucement, et puis... Non, j'apprécie. Ouais. Je vous avoue que c'était un c'est sûrement le moment du livre que j'ai le moins aimé. Je trouve que ça pour une fois, ça crée un... À mon sens, hein, naturellement, ça se trouve, demain, je le relis, et je pense absolument l'inverse, mais lors de la première lecture, j'ai trouvé qu'il y avait une petite perte de rythme à cet endroit-là, et surtout, j'ai été vraiment déçu de pas avoir vu plus Elzar et Eivar parler ensuite l'un avec l'autre une fois que c'était fini, quoi. J'avais envie d'une scène où les deux parlaient et parlaient plus de ça. Je trouve que si le livre, hein, te montre cette relation comme étant potentiellement amoureuse, bah, jamais assez loin là-dedans. On en reparlera pour l'épilogue, mais ouais, c'est un peu dommage, à mon sens, de pas avoir creusé plus, surtout qu'avec le cadre féerique, idyllique même de coffre Naboo, ça aurait été le moment pour creuser un peu plus cette histoire d'amour entre les deux. Mais Avar n'est pas du tout dans cette dynamique, et puis ils sont là pour... Oui, mais bon, c'est absolument pas le moment, en fait. Tu vas pas me dire, dire qu'elle a rien, elle ressent rien pour Elsa. C'est juste toi qui es sur style, en l'occurrence. Pour moi, c'est non, arrête. Bienvenu. Non, à ce moment-là du récit, c'est pas bienvenu, je trouve. Non, mais non, et je demande pas qu'il baise sur... Mais non, mais même, c'est pas le moment. Sur Naboo, mais juste qu'il... Ils ont autre chose à faire. Regarde, les autres, ils ont menti délibérément. Ils ont autre chose à penser. Non, mais là. Ok, mais juste qu'il y a une discussion entre les deux qui les rapproche un peu. Ou, j'aurais aimé avoir un peu plus Avant. Juste avant qu'ils parlent avec les syndicats, tu l'as eu, ce passage-là. C'est vrai, mais pas assez, je trouve. Ouais, en même temps, c'est un bouquin choral, globalement. T'as vu le nombre de personnages qui l'ont suivi, d'événements qui se trament. Ça manquait un peu d'amour, voilà, à mon sens. Mais les Jedi, ils n'ont pas le droit, tu sais bien. Oui, bah c'est là où c'est le plus drôle, justement. C'est là où c'est le plus drôle, justement. Bref, les interdits. Je sais pas ce que t'en as pensé de ça, mon petit Adrien, mais ouais, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai pas bien aimé, justement. En même temps, c'était pas assez. Oh, moi, tu sais ce que je pense du sexe hétéro. Hein. Ouais, non, mais d'accord, oui. Ah, mais on est d'accord, mais, Adrien, mais je veux dire, j'aurais bien aimé un peu plus de rapprochement entre les deux, quoi. Pour le coup, je suis d'accord avec Matt, c'était pas l'endroit. Désolé. Mais tu l'as eu avant le rapprochement, ils discutaient déjà avant entre eux. Ouais, mais pas assez. Ouais, j'aurais bien aimé encore un peu plus, voilà, c'est tout. Oui, mais ça se prêtait pas. Surtout que la scène d'avant, c'est la scène où tu te rends compte qu'il y a un truc, un passé entre les deux. Mm-hmm. Tu vas pas amener tout de suite quelque chose de plus sérieux entre les deux dans la scène où tu découvres qu'il y a quelque chose entre les deux. Non, tu y vas progressivement. Et la seule autre scène où tu peux te permettre d'avoir de nouveau une discussion entre eux, bah, elle est présente et c'est dans l'épilogue. C'est vrai que tu vois qu'Adrien, c'est un peu, il est à la limite d'être un zoomer, hein. Il veut tout de suite, là. Moi, j'ai plus d'amour et c'est ce qui manquait dans ce livre. Ah mais sinon, non, t'es sérieux? Bah justement, j'étais pas là pour parler de Loden et Belle, mais tu vas pas dire que ça manque d'amour dans ce bouquin alors que ils sont là et que ils s'aiment tellement que le seul truc qui arrive à les séparer et à peut-être faire évoluer Belle tout seul. En tout cas avec Indira, mais voilà, tout seul par rapport à Loden, c'est le fait que Loden se fasse kidnapper à la fin, quoi. Ah oui, non, mais je parlais pas de cet amour-là, je parlais vraiment un amour... Mais ça va venir, d'ailleurs, ils en parlent dès le début. Ça fait partie de mes notes aussi, dès le début. Ils disent les histoires, les romans de Jedi, là, les romans de Jane Austen, des Jedi. C'est vrai, ouais. Ça me fait beaucoup rire, je vous avais envoyé une capture de ce passage. Et oui, moi ça m'avait tué dès le début, je me souviens, j'en avais parlé aussi sur le Discord. Moi c'est un des trucs, c'est un tout petit détail, mais genre c'est trop drôle. Mais ça viendra. Mais j'en doute pas, hein. Censé durer 5000 ans, si on a énormément de livres comme c'est prévu là, ben, faut le temps que ça se fasse, quoi. Oui, oui. Il faut laisser le temps au temps. Ce n'est pas un stand-alone. C'est vrai. Vous savez, ce qui n'est pas stand-alone aussi, c'est le conseil Jedi, parce qu'ils sont en conseil. Et c'est moi aussi. Il y a... Mais ça, c'est parce que tu ne peux pas stand. C'est pas la même chose. Du coup, on en parlait vite fait tout à l'heure, mais il y a du coup une scène au Conseil Jedi qui doivent décider de comment ils vont prendre le truc, quoi. Cette histoire. Il y a des figures connues comme Oporan 6-6 et oui. Et je sais plus qui. Erael Pouf, ouais. Erael Pouf, ouais. Ceux qui ont les meilleurs noms, en fait, ils sont là. Et le meilleur design aussi. Hein. Ou pour Ancisis aussi, non? C'est ça? Oui, c'est ce que je disais. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Par contre, j'ai vraiment une question. Je suis désolé, hein, je remets ça souvent sur le tapis. Mais oui, est-ce qu'il y a Yadol, elle va bien? Est-ce que Yadol, elle va bien? Est-ce qu'on a des nouvelles de Yadol? Je pense qu'elle vient. Elle arrivera plus tard. Mais elle est vachement jeune, du coup. Mais il paraît qu'elle est un peu connue comme une espèce de renégat qui fait un peu les trucs à sa sauce ou un truc comme ça à l'époque. Donc ça serait une... Ok. Ah non, Yadol. Mais pour le coup, ça a du sens. Ça a du sens avec ce qu'on sait de la suite des bouquins. Ok. Alors déjà, Yadol, oui, est plus jeune que Yoda. Oui, elle a les cheveux encore colorés quand elle est... Elle n'a pas 200 piges, je veux dire qu'elle a que 200 piges, Yadol. Elle pourrait avoir 200 piges, hein, t'en sais rien. Oh, en passant, j'ai apprécié que Yoda, ce soit juste un caméo à la fin et qu'il ne vienne pas... Ouais, parce qu'il est en colonie de vacances. Fagotité de bazar. Bien avec Bottas en blood. Il est en colonie avec son cam. Je crois qu'il ne l'est pas encore parce que le comic jeunesse se passe un truc du genre 6 semaines après. Ouais, c'est possible. Après ouais. Le roman. Oui, mais n'empêche qu'il est avec eux. Il est avec eux. Il est parti avec le groupe de Lula à ce moment-là. Ils disent qu'il est parti avec les Padawan. Ce qui est intéressant, je trouve, sur Yoda dans le roman, c'est qu'il est provisoirement laissé sa place au conseil. C'est intéressant de dire bah, je suis en congé sabbatique, alors machin, tu me remplaces. Et il a lui-même choisi. Il a lui-même choisi quelqu'un. Il a choisi qui déjà? Quelqu'un. Je sais plus. Et au fait. Et Fru, une mon calamari. Ouais, un mon calamari. Oui, c'est, comment il s'appelle? Je sais plus. Et Fru, Chin. Il essaye de le dire, Laïd, mais vous lui gueulez dessus depuis tout à l'heure. Pardon. Et Fru, Chin. Et Fouchine. Merci, Laïd. Juste un petit truc, je crois qu'en fait que Yadol, ça a été la maître d'Oporan 66. Donc en fait. Legend. Non, dans le canon. Ah ouais, ouais. On a ce genre d'infos dans le canon. Ils ont mis Yadol dans le canon. Oui, dans le, en tout cas, sur le site de Connard, il y en a une. Ah, excuse-moi, tu veux appeler ça comment? Le site de Connard. Connardpedia. Ouais, et puis du coup, ouais, il y a même mention des guerres Sith et tout. Oh, c'est ultra mystérieux. Je crois que c'est Oporan 66 qui en parle ou. De genre, ouais, mais on a déjà fait la guerre. J'ai pris des notes à ce sujet, mais mon carnet n'est pas là. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais à cette époque-là, Yoda, c'est pas le grand maître de l'ordre. C'est quelqu'un d'autre. C'est Lain. Je me demande même s'il n'y en a pas plusieurs. Il y en a trois, je crois. Mais aucun d'entre eux n'est Yoda. Ouais. Ouais. C'est bien comme ça. Il y a Larou, je m'en souviens. Les deux autres, je me souviens plus. Mais Larou, je m'en souviens. Mais il n'y a aucun des personnages principaux du bouquin qui fait partie du conseil, il me semble. Hein. Stellan. Oui, mais il n'est pas dans le bouquin. Il y a Jorah Mali. Il n'est pas dans celui-là, Stellan. Ok, oui, donc oui, Jorah Mali, oui. Enfin, je crois qu'il n'est pas dans Jorah Mali, le bouquin tout, Stellan. Ah, si. Si, oh là là, Stellan, j'ai oublié. Okay. Les blackouts... Je l'ai complètement blackout de ma mémoire, Stellan le pauvre. Non, mais dans tous les cas, on peut parler donc oui de Jorah Mali qui tient un rôle plus qu'important dans le livre, qui a presque un des rôles principaux hein, avec Avar, qui étrangement est le seul personnage dont on n'avait pas de visuel et dont on n'a toujours pas de visuel. Oui, c'est ce qu'on a dû nous mettre la puce à l'oreille. Ce qu'on a dû nous mettre là. Tu commences le livre et t'as ce personnage qui revient à chaque chapitre et tu te dis, mais putain, lui il a pas d'image. Mais le pire, c'est qu'elle est même dans Into the Dark, quoi, parce que c'est le maître de Rith. Elle apparaît pas dans Into the Dark. Hein, hein? Attends, c'est qui le maître de Rith? Oui, mais c'est elle, mais elle apparaît c'est pas. C'est son maître. Mais si, ils ont toute une scène au début. Pas d'apparence. Oui, au tout début, c'est vrai, mais après, on la voit plus dans le... Oui, il y a un flashback dans la bibliothèque, c'est ça. Elle est dans deux bouquins, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et par contre, c'est une Togruta, à ce qui paraît. Ouais. Oui, Togruta, oui. Persuadé que c'était une Twi'lek. Et en plus, c'est censé être elle qui va être la représentante des Jedi sur Starlight Beacon, quoi. Tu sais, elle a un rôle important. Même je t'ai dégoûté pour. Au niveau des Jedi. Oui. Bah, tu sais qui est dégoûté aussi, c'est Skeer. Hein. il avait l'air effondré. Il y a aussi le petit passage avec. Comment s'appelle Thierry aussi là. Terrible. Et Mickaël, là c'était chaud aussi hein, ce passage. Ouais, terrible. Ouais, Skeer à la fin, le pauvre. Il a tout perdu. Ouais, Skeer tourne mal en partant. En plus, Skeer le pauvre, c'est qu'il apparaît dans le bouquin juste pour ça quoi. T'en fais pas, il est important dans les comics. Il est important dans les comics, c'est ce que j'ai vu, oui, mais j'ai pas encore vu les comics. Je pense qu'il faudra que tu regardes parce que je pense que ça peut t'intéresser. Et ils sont trop bien, franchement, ils sont cool. Je vais écrire à Pani. De ouf. Ça arrive au mois de mai en France. Ouais. D'ailleurs, s'il m'écoute, je donne un sandwich. T'as vu les engins avec qui je bosse, Lane? C'est compliqué. Hein. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est pour ça qu'il boit. Hein. Pourquoi je bois aussi, à ton avis? Mais ouais, c'est comme disait Matt, c'est intéressant de voir que là, ils sont. Non, c'était Matt qui disait ou c'était Lane? Genre qu'ils sont à mi-chemin entre l'idéal. Je crois que c'était Lane qui avait dit ça en fait. Mi-chemin entre l'idéal des Jedi et. Et le pire des Jedi que Luke a étudié de toute évidence. Luke, il a pas étudié la Haute République, il a seulement étudié la prélogie, tu vois. Et les Jedi, ils puent du cul, en fait. C'est une blague, parce que il dit que les Jedi, ils sont tout pourris dans Last Jedi. Ce qui est pas totalement faux. J'aime bien le fait qu'ils ne soient pas attachés les uns aux autres entre eux et que ça soit pas ils se le reprochent pas eux-mêmes ou il y aura pas Razar qui a l'air de mal le vivre, mais sinon les autres globalement ils font avec quoi. Il n'y a pas de loi qui dit que les Jedi n'ont pas le droit de tomber amoureux, de pas être en couple et tout. Il n'y a pas de loi qui l'interdit, mais pour autant il n'y a aucun Jedi qui l'est. Encore une fois, on est sur une transition. On se doute qu'à une époque, ça se voit un peu avec Avar et j'ai oublié le nom de l'autre là, Elzar. Et Elzar d'ailleurs, ils en parlent. Voilà, ça se voit un peu que il y a eu des trucs dans le passé, ça a existé. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est dit qu'entre Padawan, c'est toléré vitof et qu'après, par contre, qui se calme un peu quoi. C'est ça. Encore une fois, on voit l'évolution de comment on a pu passer d'une situation à celle de la prélogie. Là, on va voir toute la transition. Il devait voir comment ça a vrillé jusqu'à arriver à Anakin. Quoi. Ça. Il y a même des personnages, sans spoiler, mais il y a même des personnages qu'on sait qui vont quitter l'ordre d'ici la fin de la Haute République. Quoi. Des personnages qui commencent Padawan là et qui, en tant que maître Jedi, vont quitter l'ordre, ça a été spoilé dans Dooku Jedi Lost. Et là, on n'en connaît qu'un seul, mais je suis sûr qu'il y en aura plein, en fait. Il va y en avoir plein qui... Il y en a qui vont mourir, et il y en a qui vont être désabusés, de toute évidence. Hein. Il ne peut pas y en avoir plus que 20. Oui, il peut pas y en avoir plus que 20, mais ceci dit, on n'a pas énormément de personnages principaux. Genre, 20 peuvent quitter, et les autres peuvent mourir. Et Yoda, c'est le seul qui survit. Yar El Pouf et Oppo Ron Sissis. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bref, voilà. Je pense que si, là, on n'a plus grand chose à dire sur la deuxième partie. Il y a Kassav qui. On est encore sur la deuxième. Bah ouais, on a parlé un peu de la troisième, mais pour moi, vraiment, il y a tout un truc à dire sur. Sur le climax, quoi, la baston, sur la fin, la grosse baston. La baston. Je m'attendais pas c'est à ce qu'il y ait. Mon préféré du livre. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une grosse baston à la fin du livre, et surtout, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi stylée en vrai. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi vous trouvez qu'ils sont pas terribles les Nile, parce que le mec, Mark Yono, il arrive, il fait ok, ben ces vaisseaux là maintenant c'est des armes et je vais les faire foncer dans les vaisseaux des autres. Mais, quoi. Oui, mais du coup les Nile en soi ils sont pourris. Enfin, c'est juste des ils sont déjà soit c'est des mecs bourrés qui font n'importe, soit c'est des objets. Enfin. Sont vraiment utilisés par Mark Yono, mais ils sont pas intéressants en soi. Les Nile en soi sont pas très intéressants. Ouais, mais c'est leur technologie qui fait tout. Bah oui, bah c'est comme technologie. C'est même pas la leur, c'est celle que Mark Yono a son clip et du père de Mark Yono. Oui, ils avaient des grands slips dans la famille, mais ça se fait. Je veux dire, sorti de tout ça, c'est juste des mecs bourrés dans des vaisseaux avec des pics qui font n'importe quoi. Et enfin, Wetbub. Et Wetbub. Par contre, c'est dommage que. Ouais. J'espère qu'il y aura des fanfics sur Wetbub. Trempette en français. Ah, il s'appelle Trempette. Trempette. C'est un Magikarp. Trempette, parce qu'à chaque fois qu'il rentrait de la baston, il était trempé de sang. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il s'appelle Wetbub. Ouais. Du coup, en fait, ouais, c'est un Magikarp, mais juste dans le sang. Mais je trouvais que Trempette, c'était drôle. Ah ouais, et bien, c'est la VF. Cette VF. Joli. Faut imaginer un Gungan berserk. Un Gungan, c'est bien, Trempette. C'est vrai, en plus, ça lui va super bien. Ah oui, non, mais en vrai, tous les Gungans sont des Magikarp. Mais c'est ça, en fait, depuis le début. Est-ce que ça veut dire que du coup c'est un Léviator boss nas? Ça fait pas rêver, hein. Ouais, donc voilà, il y a Kassav qui essaye d'attaquer Eriadou et du coup ça leur retombe sur le coin de la tronche et il y a Markion qui est vraiment pas content. Parce que lui, il avait ses plans. Alors que tout faisait partie du plan. Et en même, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il est pas content, mais en même temps il savait que Kassav était complètement débile et qu'il allait faire ça. Oui. Ah, mais il avait besoin d'un bouc émissaire. Il l'a poussé à le faire. Ouais. Oui, c'est ça. C'est... Il voulait un bouc émissaire et donc il s'est arrangé pour que la flotte de Kassav passe pour la flotte Nihil et se fasse exploser, quoi. Que Nihil soit content, soit tranquille quelques jours, quelques semaines, quoi. Mm-hmm. En fait, les mecs en bleu et gris dans Star Wars avec les cheveux noirs, c'est tous des gros cerveaux qui utilisent les autres pour arriver à leur fin et ils sont super dangereux. Faut pas faire confiance à ces gens-là. Hein. Mais à la fin, il va enlever son masque, c'était Tron depuis le début. C'était même Timothy Zahn lui-même. Mais oui, du coup, c'est rigolo parce que je fais la comparaison avec Throne, mais en même temps, il est, je sais pas, il a l'air vachement plus imprévisible. Et c'est pour ça que ça fait, enfin, je sais pas, le fait qu'il ait réussi à choper, enfin, il a réussi à faire tout ce qu'il voulait en fait à la fin. Il a vraiment zéro. Il est imprévisible parce qu'on sait pas ses motivations. Ouais, et alors qu'on a des dialogues internes de lui, quoi. Quand Throne, t'as des dialogues internes de lui, bah tu sais tout, en fait, ce qu'il veut faire. Enfin, c'est l'impression que j'ai, moi, en général. Je sais pas, c'est beaucoup plus facile de voir le cheminement de Throne et comment il va arriver à ses fins que Markion qui fait super chien fou. Mais en même temps, il sait ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé cette grosse baston de fin avec le mec qui décide de balancer ses vaisseaux sur les autres, quoi. Et qui, du coup, après, utilise ça à son avantage. Un peu jeté, hein. Genre, il en fait un discours par rapport à ça. Genre, ouais, bah, du coup, on va encore plus leur bousiller la tronche, genre comme si c'était pas lui qui avait fait le truc. Il y a tout lui sourit à la fin, alors que ils sont beaucoup moins nombreux. Voilà. beaucoup moins nombreux, mais tout s'est passé sur son plan. Ouais, c'est ça. C'est pour ça tu il a réussi à mettre en place tout ce qu'il voulait mettre en place. Du coup, il s'en fout d'en perdre 1000, d'en perdre un tiers, du moment qu'il a réussi à faire ce qu'il voulait. Ouais, les Nihil, vraiment, pour lui, c'est un outil. Il en a rien à foutre. Je ne sais pas quel est son but dans la vie, dans la galaxie et tout, mais son but, ce n'est pas d'avoir une armée de fanatiques, etc. Ça, c'est qu'un outil pour l'amener à son véritable but qu'on découvrira un de ces jours. Et qu'on découvrira un de ces jours. Et je crois que c'est ça qui est le plus important, c'est que ce n'est pas juste de la Mystery Box. Ils savent où ils vont. Et du coup, ce n'est pas... genre, oulala, c'est mystérieux, et puis après, ils vont donner aucune indication de ce que c'était, et puis quelqu'un va faire un truc différent, et ils vont revenir et dire, ah non, c'était... Alors, c'est pas du tout ça qu'on voulait faire, alors qu'ils avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Là, on sait qu'il y aurait une correspondance. mais oui, mais du coup, c'est ça qui est bien, c'est que il y a un début de truc, et on sait que ça va mener quelque part, quoi, et il a l'air de chercher la vengeance des Jedi qui ont fait quelque chose à, je sais pas, à sa famille ou à... Je sais pas, mais... il veut se venger des Jedi, et d'ailleurs, maintenant, il a un sabre laser. Oui. Et un autre truc. c'est quoi l'autre truc, alors ? La description, je l'ai lu en anglais. Matt, c'est quoi l'autre truc? Je sais pas trop. C'est une espèce de sceptre qui fait de la lumière violette. C'est vraiment long d'à peu près 3 mains avec des symboles dessus. Enfin, c'est pas très. On okay, sait pas. On peut pas deviner ce que c'est. En français, okay. Non, on pourra pas deviner ce que c'est, je pense. Avec. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit Mark Yonro, c'est Tom Hiddleston. Bah, j'ai raison. C'est vraiment ça. Il a même le sceptre de Loki du MCU. Je parle d'un truc que je connais pas, donc... Je sais. Middleton, tu connais pas? Je peux pas confirmer. Non, mais Matt, il connaît rien. Par contre, depuis tout à l'heure, Adrien, il dit rien, en fait. J'attends qu'il parle et j'essaye de lancer sur des mais sujets. Mais là, mais il s'est absenté, tu n'as pas vu? Ah merde, non, j'ai pas vu. Oh, pardon, bah ouais, du coup, ça fait 10 minutes que j'essaye d'ouvrir... J'arrive. Non, mais pardon, ça fait 10 minutes que j'ai pas vu sur mon message. Je suis désolé, Adrien. Du coup, je monologue depuis tout à l'heure pour qu'Adrien dise un truc, mais... Il est pas là. Mais du coup, bah vas-y, Laïna, à toi. À toi, l'honneur de parler de cette troisième partie du livre avec la grosse baston. La baston ? Oui. Non, mais on a déjà dit à peu près ce qu'il y avait à dire. C'est on a Martian Rowe qui veut détourner l'attention de la République, donc il leur livre un tiers de sa flotte, donc le tiers dirigé par j'ai oublié son nom, Cassav. Comme ça, ils s'en débarrassent au passage. Hein. Voilà, ils se débarrassent d'un boulet au passage, et donc là, on voit un peu l'intérêt que peut avoir cette technologie Nihil en combat, notamment de faire volter les vaisseaux Nihil de manière incessante sur tout le champ de bataille. Donc le vaisseau, pouf, il apparaît à un endroit, hop, il disparaît, pouf, il réapparaît à gauche, hop, il disparaît, pouf, il réapparaît à droite. Donc c'est totalement aléatoire, c'est totalement anarchique. Le vaisseau peut apparaître sur un autre vaisseau, donc boum. Donc tant que c'est des vaisseaux Nihil, ok, mais on peut imaginer ce que ça fait si on met un petit générateur d'hyperespace Nihil sur un astéroïde. Imaginez ce que ça va faire. Pouf, l'astéroïde, il apparaît au milieu d'une flotte ennemie. Si l'astéroïde fait la taille de la flotte, bah il n'y a plus de flotte. Hein. On peut le voir comme ça. Et donc cette grande bataille spatiale qui de base c'était très intéressant, opposait la République au Nihil. On a les Jedi qui sont en retrait, en mode est-ce qu'on participe, est-ce qu'on participe pas. Donc on voit encore cette évolution de l'ordre. Finalement, bah, ils décident d'y participer parce qu'ils se rendent bien compte que les Nihil peuvent représenter, au-delà d'une menace à un gouvernement, mais une menace à l'ordre et à la justice. Et la justice, c'est un peu l'idéal des Jedi, donc ils décident d'intervenir. Et finalement, cette intervention des Jedi va causer de très lourdes pertes chez eux Et c'est à ce moment-là que bah, Jorah Mani, qui devait devenir le Marshall de Starlight Beacon, meurt et que, bah, par exemple, Skeer, le Jedi Trandoshan, va perdre son bras. Donc c'est très lourd pour eux. Bon, le bras, c'est pas grave, ça repousse. Ça repousse de manière assez spectaculaire, hein, d'ailleurs, dans les comics. Alors, c'est pas... Ouais, bon, on va pas spoiler. Ouais, mais voilà, c'est pas... c'est pour ça qu'il faut lire. C'est pour ça que je pense qu'il faut. On parle de comment ça s'appelle de la lumière des Jedi, mais il faudra aussi lire vraiment le dans en pleine ténèbres. C'est ça. Hein. Quoi le prochain c'est en pleine ténèbres. Le prochain ou le prochain c'est en pleine ténèbres. Il y a une épreuve de courage qui est sortie. Voilà. Ouais, mais où, alors il y a 10 jours. Une épreuve de courage, tu vois, par exemple, j'ai bien aimé, mais il m'a l'air beaucoup moins essentiel, en fait, à la trame globale. Genre, c'est bien parce que bah, ça présente des personnages. Voilà, il est essentiel pour ça, parce que Vernestra et Imri, ils apparaissent dans le comics, et ils auront bientôt leur prochain roman. Mais ils seront dans la suite de... sera plus jeunesse. Ouais, ça sera Wyatt. Rising Storm, hein. Je suis pas sûr, je crois qu'ils sont, dans le jeune adulte. Ah oui, ils seront dans le jeune adulte. Ouais. Et oui, voilà, mais au niveau de la trame et surtout des menaces de la Haute République, Into the Dark, il est essentiel, et le comics aussi, en fait. Surtout le comic adulte, mais a priori, le comic Adventures, là, pour les enfants, il a l'air de servir à quelque chose, ce qui est la première fois, je crois, depuis qu'ils existent, là, les Adventures. Ce qui est cool, parce que du coup, c'est vraiment, genre, même les enfants, ils ont droit d'avoir des trucs qui ont de l'importance dans l'univers, mais voilà, je disais. Et puis, il sert aussi à montrer que Yoda a des aventures amoureuses, pardon. Yoda en colonie de vacances amoureuses. Masterbuck. Quoi encore? Lane. Je ne dirai rien. Lane, je ne peux pas imaginer Yoda. Tu veux pas l'imaginer faire du sexe là? Moi, je pense qu'il vient de là, le bucket of blood. Hein. Je dis ça, je dis rien. Non. Et du coup, Adrien, enfin, toi, il y a des enfants, ok. C'est... Oui, bah, ça se voit que t'es jamais allé en camp scout. Tu crois que la tente des chefs, elle est séparée, pourquoi? J'ai connu suffisamment de maîtres scouts pour savoir ce qui se passe en camp scout. Allez, ça passe en radio libre, super. Mais du coup, Adrien, je suis désolé, j'avais pas vu que t'étais pas là et j'arrêtais pas d'essayer de te faire des appels du pied pour que tu donnes tes avis sur la troisième partie, mon petit bonhomme. Alors, qu'est-ce que t'as à dire sur la troisième partie, la grosse baston, les milliers de morts du communisme et tout hein. La troisième partie, c'est de loin celle que j'aime le moins. Enfin, déjà, c'est la plus rapide. Et j'aurais bien aimé peut-être un combat peut-être au sol et pas que dans l'espace. Vous le savez hein, mais moi les vaisseaux spatiaux dans Star Wars, c'est peut-être ce qui m'intéresse le moins, et les batailles spatiales pareil. Ouais, mais vraiment, je comprends et c'est bizarre, c'est très bizarre, mais pour moi Star Wars c'est avant tout l'aventure et les sentiments et le combat contre l'oppresseur et tu vois, plein de choses comme ça et ouais, du coup moi les combats spatiaux ouais, ça va, c'était bien, mais par contre le côté avec Belle et Indira et Porter et aussi Loden, hein, c'est ce qui m'a le plus plu. Lui, ce qu'il aime, c'est qu'ils font des câlins à des arbres. Hein. Là, c'est vrai que Billy Yaga, il est absent pratiquement totalement de la troisième partie, non? De qui tu dis? Plus du tout de Buri Yaga dans la. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. Tu le revois la fois d'après que tu le revois. On te dit qu'il fait la bataille, c'est tout. Ouais, pardon. C'est vrai. Oui. Ah, je savais pas ça. D'accord. Bah, tu vois, voilà. Mais non, moi, j'ai bien aimé le côté sur Elfrona et surtout, Surtout, ouais, je suis désolé, hein, ce soir, je vous aurais fait chier avec Buriaga et Porter, mais Porter, quand il vient, gros spoil, hein, mais quand il vient à tuer un île, et qu'après, tu te rends compte que tuer, il déteste ça, et à quel point ça l'a détruit, ça a détruit toute sa vie, c'est terrible. Terrible. Et ça marche, d'un point de vue narratif, parfaitement bien. Ça veut dire un truc, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire aussi que ça montre beaucoup de choses sur l'univers, mais ça veut dire aussi, hein, comme tu disais tout à l'heure, Matt, un aspect social, voilà, tuer quelqu'un, c'est pas cool, c'est pas faire la guerre, c'est pas cool. Mais pour lui, ça veut dire beaucoup, quoi. D'ailleurs, ouais. Les Jedi qui en arrivent là, enfin, même le Dan, il y a des réflexions sur le fait de tuer, hein. Ils sont pas, il y a souvent des réflexions comme quoi, bah, ça reste des enfants de la force, machin, mais ils ont pris là, c'est pas la force qui décide à ta place. Les conneries, c'est toi qui les a fait, faut assumer quelque part. Dans chacun des frags de Jedi, si je peux appeler ça comme ça, de la Haute République, il y a toujours un au moins une ou deux lignes, hein. Lane, tu me corrigeras si j'ai tort, mais qui dit que voilà, c'est triste quand un Jedi doit en venir à tuer quelqu'un. Et ouais, c'est hyper intéressant. Et au début, j'avais peur, hein, pour Porter, je me suis dit, voilà, oh, il a un surnom, la lame de Bardotin en français, je suppose, Bat, tu me corriges. Mais c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Moi, je veux dire, merde et tout, ça va être un guerrier, il va tuer des gens et tout. Je me suis dit, putain, pendant tout le livre, il nous montre que les Jedi, ils veulent tuer personne. Et là, ça y est, il va faire un kill gratos comme ça et tout va bien, tu vois. Et ben non, tout va pas bien. Et c'est là où j'ai trouvé ça extraordinaire. Par contre, faut pas buter son cheval, hein, ça l'énerve. Hein. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, en fait, il pète un câble. Et vraiment, c'est une belle métaphore. Je sais pas si on peut appeler ça une belle métaphore, c'est un petit peu bizarre d'appeler ça comme ça, mais voilà, ça rappelle, tu sais, il fait clairement un syndrome post-traumatique, enfin, il a clairement un syndrome post-traumatique, Porter, et c'est cool que ce soit un Jedi aussi sage, aussi vieux, aussi expérimenté, qui subit ça, et qui subit, en fait, le Jedi, le traitement trop de cool Jedi à travers les médias. Le mec, c'est trop cool qu'il ait un PTSD. Mais non, mais voilà, tu vois, c'est pour ça que je voulais pas. C'est pour ça que voilà, je l'exprime peut-être un peu mal, j'en suis navré. Mais tu vois, ça, en fait, ça montre à quel point, voilà, tuer quelqu'un, c'est pas bien. Et même les Jedi, hein, en fait, qu'on nous montre depuis des années, enfin, en tout cas, qui sont dans l'imaginaire collectif comme des chevaliers, hein, tu vois, des gens qui ont l'arme à la main. Et ben, quand ils ont réellement l'arme à la main, ben, c'est pas joyeux du tout. C'est pas comme Anakin qui va chez les Géonosiens pour les buter pendant qu'ils dorment, tu sais. C'est ça. Mais tu vois, c'est ou les Géonosiens. non, mais les deux. Les deux. C'est ça. Mais tu vois, c'est ça aussi. Je pense que j'en parlais rapidement, hein, dans l'émission avec Lucille et Sandy. Mais les Jedi, ils ont peut-être cette malédiction, à mon sens, hein, du public, de la part du public, hein, voilà, les Jedi, c'est on l'a vu avec voilà la haine des gens à propos de Star Wars 8, où on a dans l'image populaire, dans l'esprit populaire, on a l'image du Jedi qui, l'arme à la main, va libérer la veuve et l'orphelin en tuant, décimant, découpant tout ce qui se trouve devant lui. Or là où justement les Jedi avaient fait un gros gros point positif, hein, avait vraiment montré que voilà, non, un Jedi, c'est quelqu'un qui sauve des gens au lieu d'en tuer, et c'est d'ailleurs tout le propos du film, hein, de Last Jedi, et là on le retrouve dans l'épisode, enfin dans Light of the Jedi, et vraiment c'est ça marche mais à merveille avec ce sous le prisme de Porter Engel, qui moi m'a touché presque autant que Buriaga. En fait, t'aimes bien les trucs qui ont plein de poils, quoi. Bah, peut-être. Peut-être, hein. Non, parce que je... Bah, sinon, j'aimais bien TMI aussi, donc elle a pas de poils. Non, pas du tout. Enfin, pas qu'on voit, en tout cas. Oh non. Oh putain. Et pourquoi tu parles, Adrien ? Quoi ? Mais non, mais je sais pas. Je sais pas comment marche, c'est du rose, moi. Non, mais ouais, c'est intéressant. Hein. Vas-y, Lane, vas-y. Oh, je disais juste qu'il en a assez dit, c'est bon, il s'arrête à est-ce qu'on va est-ce que l'autre Adrien a des trucs intéressants à dire? le bon Adrien. Il a plus le droit de parler, il a perdu son droit à la parole. L'autre, c'est le mauvais Adrien, il est puni. Au coin. Il vaut l'Adrien, tu sais. C'est ça. Pour les prochains lives, on va faire une Orny Jail, comme ça, dès que tu dis une connerie, on te fera Orny Jail pendant 2 minutes, t'as plus le droit de parler. C'est pour ça que je serai pas là pour l'épisode du Soul Legends. Mais bon, bah, du coup, on peut parler de la fin. Bah, déjà, il y a une scène justement chez les Nile où Martian il prend officiellement la tête du truc. Hein. C'est bon, fini d'être juste le gars qui donne les coordonnées. Maintenant, c'est lui le chef. Il faut bien comprendre à Lorna que c'est lui le chef et même si ça lui plaît pas, elle est assez intelligente. Tu vois, c'est là que tu vois, c'est la seule des trois qui est intelligente. elle sait que pour l'instant, vaut mieux pas tenter grand chose. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup ces discours. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai eu le livre audio et le gars était vraiment à fond hein, comme je disais le gars Mark Thompson qui faisait les voix là, mais il est vraiment surtout que il a fait Mark Yonro avec une espèce de relent d'accent allemand et ça rend super bien sur ses discours et j'aime beaucoup la façon dont il s'impose à la fin genre bah vas-y, écoute, Pépère, on attend. Fais pas trop mal à Loden, s'il te plaît. J'avais peur qu'il soit mort au début, mais je pense qu'on a l'air de tous à peu près s'accorder pour se dire que non, pour l'instant, il est vivant, Loden. Il n'est pas en grande forme, mais il est vivant. Il va pas être en grande forme pendant un petit bout de temps, ça c'est sûr. Ouais. J'espère que Bell arrivera à sauver son papa à temps. N'empêche, être dans une pièce tout seul face à un Mark Enro énervé, moi je donnerais tout pour être à sa place. tu lui dirais, mais pourquoi tu ne marches pas dessus? C'est ça. Il faut vraiment qu'on fasse un truc Orny Jail pour lui. Hein. Mets-le en prison, s'il te plaît. Je peux pas maintenant. Attends un peu. Je suis le seul à pas trop sentir la chancelière. Enfin, je la sens pas mal dans le sens où elle cache des choses et elle a des relents de dictatrice et tout. Ouais. Je la sens juste mal dans le sens où elle va être confrontée à des situations de plus en plus difficiles. Et en voulant bien faire, va faire des mauvais choix de plus en plus. Non, c'est exactement ça. Mais même son histoire de grandes œuvres et tout, c'est un peu, enfin, c'est à la limite de la mégalomanie. En même temps, parce qu'elle a une vision aussi de la République. Mais enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est expansionniste, mais de ouf, quoi. Enfin. Moi, j'attends d'en voir plus d'elle parce que des fois, j'avais cette impression-là. Des fois, j'avais l'impression que c'était ça allait. Et du coup, Est-ce qu'on peut parler de ces animaux quand même? Vorou et Matari qui sont grave stylés. les gros toutous. Des gros chats. Mais ils sont géniaux, j'adore. Oui. C'est tout. C'est je vais dire sur eux. Voilà, D'accord. Tu sors de prison pour dire ça? Ouais. Ah bah écoute, alors que personne t'a dit que tu pouvais. Ouais, mais moi je n'aime pas les règles. Moi, je suis un nine. Il fatigue cet enfant. Ouais, effectivement. Mais je sais pas si c'est ses bonnes intentions. Matt, attends. Je l'aime vraiment beaucoup parce que je me dis qu'à sa place, demain, tu me donnes la République. Ok, je voudrais absolument tout bien faire, etc., etc., etc. Justice, paix, tout ça. Mais en même temps, tu me dis, va construire une immense station à l'autre bout de la galaxie et tout. Je signe tout de suite, quoi. Je veux dire, je peux construire une immense station avec plein de peuples, des tas de vaisseaux, des tas de machins et tout. Si en plus je peux mettre mon nom dessus. C'est l'ingénieur qui parle là. Ouais, ça doit être l'ingénieur qui parle. Mais tu vois, elle a une approche tellement timorée. Dès qu'elle va parler à l'ordre Jedi, elle est presque en mode j'aimerais bien que vous interveniez, mais si vous voulez pas, je comprendrai. Tu vois, elle est tellement mignonne. Oui, elle a pas l'air. que pour l'instant, je l'apprécie beaucoup. Ben, mal intentionné. Moi, je pense que elle. J'annonce, hein, je pense qu'elle va mourir avant la fin de la Haute République. Enfin, genre, en gros, elle va mourir peut-être bientôt, tu vois. Et à mon sens, son projet va être repris par d'autres. Par vous savez, les autres. Qu'il y a les méchants au Sénat. Et du coup, c'est là où ça va tourner mal, tu vois. Mais je pense qu'elle, en tant que telle, elle a vraiment un bon fond. Mais je pense vraiment, voilà, en fait, ça va être un petit peu, peut-être même, ça se trouve, une métaphore du communisme, tu vois, avec, comme on a eu dans La Ferme des Animaux ou des trucs comme ça, qui te montrent de la base une idée bonne. Et derrière, en fait, voilà, c'est repris par des connards et c'est tout transformé, quoi. On verra bien. Moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça. C'est son secrétaire qui travaille pour les Nils, c'est ça? C'est le porte-parole de la bordure. C'est l'assistante d'un sénateur qui s'occupe de la bordure extérieure, qui représente la bordure extérieure. C'est l'assistante de Géfo. Oui, bah, ouais. Loria. Ouais, c'est ça. Je me souvenais plus qui c'était le traître. Qui a un bon trou de balle aussi, celui-là. Ouais. Mais c'est tout, c'est basiquement les trous de balle, hein, les politiciens dans ce. C'est à se demander comment elle a pu avoir le poste si tous les autres. C'est vrai, voilà, c'est tous des trous de balles sauf elle qui a l'air relativement éclairée et tout, mais est-ce que ça va pas virer en despote éclairé non plus derrière? Moi je pense que ça va être. Elle va pas arriver à être despote, mais clairement elle va faire des mauvais choix et elle va être remplacée par quelqu'un. Tu sais, quelqu'un. Ça va vouloir trop bien faire, ça va. Qui va pas envoyer des Jedi pour négocier, mais plutôt pour vraiment apporter la paix et la justice. Dans tous les cas, ça va mal finir parce que le Scarlet Beacon, bon, il est plus là de toute façon. Donc... ouais, mais à quand mais vraiment l'histoire de l'INASO, c'est j'ai créé le socialisme, ça tourne mal. Ouais, c'est ça. Hein. Comme à chaque fois que quelqu'un essaye de l'instaurer, en fait. Ça reste un socialisme très, très démocrate, quand même. Ça, pour le coup, c'est vraiment le SOSDEM du côté gauche, c'est, quoi. C'est le SOSDEM américain, hein, de ouf. Hein. Non, pas américain, ils sont beaucoup plus à droite que ça, quand même. C'est pas impérialiste, pour le coup. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais elle a nationalisé personne. J'espère que t'es content d'être là, Laïne, pour qu'on parle de ça. Les Santeca, ils n'ont pas été nationalisés non plus. Il y a des bourges partout. Enfin, c'est. Oula, qu'est-ce que je fais, moi? Pardon. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. La République essaie de soigner tout le monde, essaie de s'occuper de tout le monde, essaie de faire plein de choses. Mais à côté, il y a quand même des grosses inégalités aussi. Hein, c'est pas. Oui, non, c'est sûr. La station, elle est là pour être une vitrine. Hein. C'est pas en mode on oblige la bordure à nous rejoindre. Si ce qu'ils voient sur Starlight Beacon leur plaît, ils pourraient rejoindre la République. La plupart, ils sont pas forcément. Pour le coup, le roman A Taste of Courage, il montre un peu justement comment ce processus fonctionne. Et c'est un peu intéressant. Ouais, effectivement. On voit des porte-paroles se rendre sur la station pour discuter possible adhésion à la République. D'accord, enfin, hein. Toute la bordure n'a pas adhéré à la République, mais il y a quelques mondes qui le sont déjà. Okay. On les voit partir pour la station. Oui, on les voit partir pour la station. Ils décollent et... et après, ça tourne mal. Mais ouais, du coup, je pense qu'on a fait le tour, mais il manque la dernière scène qui... Alors, moi, je vais pas cacher que pour le coup, j'ai détesté cette scène-là au début. Mais en vrai, je comprends les implications que ça peut avoir justement par rapport à l'Ordre Jedi dans son ensemble et leur peur des... plus tard justement, des visions de la Force, mais j'avoue que la première fois, la toute dernière scène avec Elzar qui a sa grosse vision, attention, c'est trop dark et tout, j'ai trouvé ça ultra cheap par rapport au reste du bouquin. Dans le bouquin, ça passe, enfin, à l'écrit, ça passe, hein. Enfin, je sais pas, l'oral, mais je trouve que français, là, ça passait plutôt bien. Non, mais j'ai trouvé que c'était un trope un peu cheap, tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Par rapport à la fin d'un bouquin pour teaser la suite. Pourquoi pas. Oui, c'est surtout pour mettre un peu en avant Elzar qui était. Qui est beau être dans le livre. Ouais. Il est en retrait. Il a beau être dans le livre, il n'a pas de chapitre vraiment centré sur lui. Donc je pense que c'est une occasion de montrer hey, coucou, je suis là. Hey, coucou, je peux faire ça et souvenez-vous de moi pour la suite, quoi. Et aussi, c'est la merde. Ouais. Et puis cette histoire de lumière violette, là, c'est quoi? C'est le sabre laser de Mace Windu. Ils ont des visions. Il y a 10 mecs qui va détruire leur bouquin. Dans les comics jeunesse, cette lumière violette apparaît. Ah, je l'ai pas encore lu, celui-là. C'est dans le deuxième tome. C'est le moment où Yoda est sur le. T'es sûr que c'est la même est sur le vaisseau des Nile et elle ouvre un coffre et il y a une lumière violette qui sort du coffre. Ok. Parce que l'Oden, il avait eu l'air de connaître cet objet et ça lui a fait peur. Ouais. Ah, ça fait peur la lumière violette, je sais pas vous, moi j'en vois pas de plus. Déjà, ça éclaire pas bien. Grave. Oui, mais ça éclaire de manière très jolie, parce que le violet, c'est très joli. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais ouais. c'est pas le meilleur pour éclairer des endroits, quoi. D'ailleurs, anecdote rigolote, sur la couverture limitée américaine, dans laquelle on pouvait avoir également une chaussette et une dédicace de Charles Soule, ils se sont trompés, les dessinateurs, et ils ont mis un sabre laser violet à l'Oden, alors qu'en fait, il est jaune. Voilà, oui. C'est tout. Parce qu'ils ont lu le bouquin trop vite. Non, mais bah, c'est con parce que comme ça, genre, il y a plein de concepts. Non, mais cette couverture, faut pas la prendre pour argent comptant parce que. Vas-y. Merde, j'ai encore oublié son nom. La madame. Là. Elle a le sabre jaune. Non, c'est pas ça. Elle chevauche un des chevals de métal, là. Ouais. Alors qu'elle, pendant cette scène, pas, ouais. elle est dans un vecteur, je crois. Elle est pas là. C'est juste ce que je me disais en lisant. Je me disais, mais elle était pas censée être là, elle. Pareil, mais ce dessin il va vraiment trigger. C'est trop ça, c'est le dessin, tu sais. Moi je l'avais vu avant et du coup j'étais là, genre, mais c'est pas normal. Il vous en faut plus, les gars. Ah non, mais oui, mais parce que je suis un connard. Mais sinon, c'est un très beau dessin hein, pour le coup. Voilà. la fin, petit aparté, j'ai trouvé ça super dommage en fait. Et en même temps, je comprends l'initiative. Que la fin te spoil honteusement Test of Courage. Quoi? Ouais, c'est vrai que tu pouvais faire la scène sans trop spoiler. C'est un peu dommage. Parce que ça spoil vraiment. Je veux dire, c'est un truc pour enfants. Vous trouvez pas qu'il y a assez de morts dans le bouquin pour enfants déjà au départ? Ben, c'est pas le problème, c'est juste le fait de savoir qu'un tel devient le maître de un tel, ben, j'aurais bien aimé le découvrir dans le livre, quoi. Tu vois? Je sais même pas de quoi tu causes, donc. Je fais exprès de pas dévoiler trop. Ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est pas l'arrivée, c'est le voyage. Ouais, je sais, mais moi, j'aurais bien aimé le découvrir. Tu sais que le pire, c'est que, comme je l'avais lu il y a plusieurs mois, j'avais complètement oublié que c'était dans le bouquin, hein. Du coup, moi, je l'ai redécouvert la semaine dernière dans le. Moi j'ai mis trop longtemps à le lire le livre. Et il est plus difficile à lire que Light of the Jedi, je trouve. Il passe moins. C'est pareil pour Into the Dark. Hein. Il passe moins smooth, je trouve. Into the Dark, oui, mais Test of Courage, ça va. Hein, c'est du jeunesse. T'as des scènes qui sont un peu longues. Hein, les scènes au début, quand ils arrivent sur la planète, c'est un peu chiant. Oui, bah tu t'as pas dû lire beaucoup de romans Star Wars, toi. Tu sais que dans un livre, quand ils arrivent sur une planète avec une faune et une flore un peu creepy, un peu qui leur en veut, bah tu tournes les pages, c'est bon, tu l'as déjà lu 5 fois, ça. Ouais, mais tu regardes, c'est pas le cas à la fin de Into the Dark, par exemple. où là, il n'y a pas de problème. Ah oui, mais ils ne sont pas sur une planète. Bah, si. Sur une station. Oh, non, après. Est-ce que c'est pas un peu les deux? Après. Ouais, non, mais surtout après. Il y a Riff qui parle quelque part. Oui, mais on ne décrit pas la planète, on décrit les gens qui y vivent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, à part Adrien et moi qui nous plaignons de trucs insignifiants, sinon ça va. Il n'y a pas de bisous entre Elzar et Eva, mais bon, c'est pas... Mais pourquoi? Bah, ils auraient pu. Bah, ils auraient pu pour le coup. Ouais, voilà, merci. Ouais. C'était pas le mood, je trouvais. Mais... C'est pas indispensable, hein, clairement. C'est pas. Oui, non, mais. Non, ah, il y a la vision à caser, donc c'est pas le moment, non, c'est clair. Ouais, d'ailleurs, je sais pas vous, mais au début, la vision, je pensais que c'était pour le. En gros, ça racontait, genre, l'histoire de d'Anakin qui brûlait le temple Jedi 200 ans après. Quoi. Mais oui, j'ai pas. Non, mais genre, les premières lignes, quoi. Je me suis dit, putain, une vision où il y a des Jedi qui meurent. À tous les coups, c'est ça, mais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est Adrien. Il me fait trop rire. Mais, ah, mais non, je sais plus. Vous savez quoi? Je me dis plus rien comme ça. Vous allez arrêter comme, de me juger. Ça dit, voilà. Bah, c'est en rapport avec l'arme de Mark Yonro et l'ordre. Ben, il va se passer plein de trucs dans l'ordre Jedi. T'as déjà vu la fin de ce bouquin-là? Et c'est juste un tiers de la flotte et c'est genre, c'était un test, quoi. Plus ou moins en même temps. Genre, ok, c'est bon, ça fonctionne, oui. Quoi. Et ça fait énormément de dégâts. Et si vous voulez voir, vraiment, lisez les comics, parce que vous allez voir que ça a vraiment des grosses répercussions sur les personnages. Hein. Quand des personnages meurent, ça a des répercussions sur les autres. Ouais. Ça fait du bien. Ben, ça dépend pour qui. J'annonce. Hein. À lire, oui. Mais... Ouais, c'est ça. Mais j'annonce le jour où si Buriaga meurt et qu'on le lit, vous allez m'entendre. Ben, on t'entend déjà tout le temps, écoute. Ouais, mais encore plus. Ben, il faudra bien qu'il meure un jour. Hein. Non. Et si. Peut-être pas, Matt. Dans mon être canon. Luke, il a raconté l'histoire de Buriaga à Kylo Ren, et Kylo Ren, il s'est dit, bah, quand je serai grand, j'aurai un sabre avec un manche comme lui. Mais voilà. Son manche, il ressemble plus à celui de Stellan. Je m'en fous, Stellan, c'est un con. Pas vraiment. En vrai, j'aime bien. Non, ouais, j'aime bien, mais je préfère Buriaga. Viens la semaine prochaine, d'ailleurs, on va parler de Wookie qui meurt, tu vois, ça va te faire du bien. Non. Ah oui, c'est vrai. Jamais. Oui, c'est d'ailleurs, on en a parlé plusieurs fois, mais oui, la semaine prochaine, on va parler de Legends, du coup, hein, avec Lane qui va revenir, et Adrien, il veut pas venir parce qu'il veut pas qu'on parle de Lune qui écrase des Wookiees. Non, mais en vérité, je n'en parle pas parce que Wookiee. Comment ça, la gueule? J'y connais rien du tout. Mais c'est le but de l'émission, Adrien, mais c'est pas grave. Oui, justement, mais je préfère vous écouter après coup, en fait. Voilà, c'est juste, ça fait longtemps que j'ai pas écouté un épisode dans lequel j'apparais pas, et je suis toujours très excité à l'idée de découvrir nos trucs, en fait. La mode dans des conneries. Oui, aussi. Mais voilà, est-ce que vous avez encore des trucs à ajouter, Line, par exemple? Au hasard? J'ai beaucoup aimé ce livre et j'attends avec grande impatience tous les suivants. Et heureusement, en attendant, on a les comics qui arrivent tous les mois, en VO, bien sûr, et très, très, très bientôt, dans moins d'un mois, en VF. Est-ce que, Dane, tu te feras l'honneur de revenir pour parler d'autres romans comics de la Haute République? Ah oui. S'ils sont bons, bien sûr. S'ils sont mauvais, on saura qu'il faudra pas. Ah bah, s'ils sont moins bons, j'ai encore plus de choses à dire. Ah bah, super, alors. C'est toujours plus facile quand on fait une critique de dire le mal, hein, parce que d'où le nom de critique, hein, que de dire ce qu'on a aimé. Bah, c'est... Après, des fois, c'est bien de dire ce que t'as aimé pour pouvoir taper sur des trucs que t'as pas aimé en même temps. C'est vrai, mais j'ai toujours du mal à mettre les mots pour expliquer pourquoi quelque chose m'a plu que de mettre les mots pour dire pourquoi quelque chose était de la merde. Ah, bah c'est souvent l'inverse, tu vois. Toi, t'as du mal à mettre les mots pour tout, Adrien. Oui, c'est bien. Comment on dit déjà ? C'est bien. J'en peux plus de lui. Oh merde. C'est exprès, c'est pas possible. Oui, je pense. Non. Je sais pas. Et toi, du coup, Matt, toi qui a dû le rusher en une semaine, là, après ton. Même moins que ça, au final. Mais ouais, je l'ai rusher pour le coup. J'ai lu la moitié en une journée, aujourd'hui. Là. Et ben, je pensais pas que ça serait si bien. Je pensais que ça serait chouette, sans plus. Aussi parce que les Jedi, je commence à en avoir ma dose, franchement. Et bah maintenant, j'ai envie d'aller lire le bouquin jeunesse, envie d'aller lire la suite, les comics. Je suis chaud, quoi. C'était trop bien, vraiment bien. J'espère que le reste est du même niveau et le jeunesse, tu vas avoir ta dose de Jedi, mais l'autre qui sort à la fin du mois, tu vas avoir pas mal de personnages autres de Jedi. Ouais. Non, en pleine ténèbres. Ouais, c'est le 22 avril qui sort. Donc, il sort dans 10 jours, en fait, hein, dans une dizaine de jours. Tu vas te faire plaisir. Il y a une bonne équipe de. Vraiment de contrebandiers, mais voilà. Géode. Il y a Géode. Il y a surtout. Merde, j'ai oublié son nom. Le pilote. Léox, voilà. Léox, il est extraordinaire. Mais lui, j'attends beaucoup aussi, parce que vu que c'est un Claudier Gray, je suis chaud patate aussi dans tous les cas. Hein. Mais ouais, en termes d'introduction à la période, Light of the Jedi, pour le coup, il fait vraiment le taf. Limite, sa première partie, elle est trop bien, et du coup, le reste, faut s'adapter à. Ouais, c'est vraiment deux trucs à part, pour le coup, presque. Hein. Et par contre, je sais pas si je suis le seul à avoir ressenti ça, mais je trouve que pour un bouquin, enfin, clairement, il introduit une suite, mais il est pas frustrant. Ouais. Je l'ai pas trouvé frustrant à la fin. Tu sais que ça arrive et tu sais que t'auras des réponses. Ouais. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils balancent pas des trucs comme ça qui auront jamais de réponse parce que les gars ils ont dit plusieurs fois. Oui, même dans la forme, simplement, il arrive à teaser des trucs, mais t'es pas frustré quand tu l'as fini, t'es quand même satisfait de ce que t'as lu. C'est parce que tu sais que c'est pas. En tout cas, moi, c'est ça. Je sais que c'est pas une suite directe. C'est-à-dire que je sais que la suite de cette histoire-là, ça sera pas avec le même casting qui poursuit l'enquête, qui poursuit une vengeance, qui poursuit les Nils, etc. Je sais que comme on est dans une période entière totalement vierge, on peut prendre tout un nouveau casting de personnages qui travaillent hein, pour la République, etc., qui va se mettre à devoir régler le problème Nil. Et donc, on a vraiment cette notion d'univers entier interconnecté où on peut d'un coup suivre une autre brigade de soldats, une autre escouade de Jedi, etc. pour régler un souci ou tout simplement qui se retrouve confronté au Nihil et de fil en aiguille à devoir révéler une autre partie du complot Nihil et petit à petit toutes ces pierres s'assemblent pour former la grande histoire et résoudre un beau jour l'ensemble du problème. On n'est pas sur de la suite purement directe où les livres sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais. Chacun d'entre eux est indépendant, parce que le casting est indépendant, mais chacun d'entre eux, à sa manière, va prolonger l'histoire et apporter sa pierre. Après, quand on voit la couverture de Rising Storm, bon, bah, tu sais que ça sera aussi une suite. Par exemple, le cast principal, t'auras toujours Belle et Indira, par exemple. Ouais. Mais en même temps, t'auras plein de nouveaux, justement. A priori, c'est là que Stellan va vraiment rentrer en scène. Et voilà, comme tu dis, ça va être. Enfin, ça va être une suite, mais en même temps, ça va être du neuf. Oui. Oui. Ouais, bah, c'est pas... Et j'aime beaucoup la couverture de Rising Storm, d'ailleurs. Je déteste celle de Light of the Jedi, je suis désolé, mais par contre, celle de Rising Storm, je la trouve super. Dans Out of the Shadows, qui sort le 27 juillet aux States, qui est donc écrit par Justina Ireland, on suivrait par exemple l'aventure de Vernestra, donc l'héroïne de Test of Courage, mais aussi Riff, le héros de Into the Dark. Donc les gens vont se regrouper et ça va être vraiment trop trop bien à lire, quoi. Je pense aussi. Ouais. Je pense qu'en fait chaque histoire va interchanger les castes, ouais, mais tout en poursuivant l'histoire du précédent, genre les romans adultes entre guillemets, ils vont garder surtout la menace Nil, je pense, les romans young adultes, donc dans les ténèbres là, ils vont plutôt suivre l'autre menace. Et ouais, ainsi de suite. Enfin, c'est l'impression comics, que j'ai l'impression. Menace. Que comment? L'autre menace, c'est surtout dans les comics là en ce moment. Ben parce que les livres, ça met plus de temps à sortir aussi. Ouais, oui, mais effectivement, oui, bien sûr, les livres, ça met plus de temps, mais tu peux voir un peu les comics comme ce qui relie les livres. Ben les comics, c'est super important. Tous les mois. Les comics, c'est le fil rouge un peu. Oui, c'est exactement ça. Public, c'est ça. Et les livres sont ponctuels. C'est exactement genre les livres, c'est des grosses aventures, enfin c'est des grosses histoires au sein de la grande histoire, et la grande histoire en fait elle est racontée dans les comics. Enfin moi c'est comme ça que j'ai l'impression que c'est pensé. Genre le bigger picture c'est plus les comics, quoi. Enfin je sais pas. C'est le feeling que ça me donne, même si je les ai pas lus. C'est le fil rouge. Mais voilà, c'est ça. Exactement. Et t'as le fil rouge pour les bébés avec Yoda et son petit copain. Ah, merci. J'ai pas lu, je dis ça juste pour te faire plaisir. Là. Eh ben, tu verras que c'était vrai. En tout cas, Lane, Matt, non, je sais plus, qui est-ce qui avait pas parlé du coup de sa conclusion de sur quoi juste conclure sur... C'est Adrien. Moi, j'ai bien aimé, hein. C'est sûr. Ouais. Bon, bah, c'est cool, alors. Non, c'était génial. J'ai jamais lu un livre aussi vite. J'ai jamais. J'ai fait le rebond. J'ai pas le temps. Ouais. je lis peu de romans et voilà. En fait, ça me fait du bien aussi de savoir que. J'ai souvent tendance à un peu complexer sur mes lacunes dans l'univers de Star Wars, et là ça me permet un peu de repartir de sur un terrain vierge, vous savez, de vraiment rentrer dans un univers que je peux appréhender tout entier, et c'est pour ça où vraiment je m'implique énormément, parce que je me dis voilà, si je suis nul à savoir comment marchent les vaisseaux ou l'hyperespace ou même le fonctionnement des grades impériaux, bah au moins je serais bon à savoir que tel Jedi a fait telle mission pour la Haute République. Quoi. Oui, vu que c'est un tout nouvel univers, bah ça, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, pour plein de gens qui n'ont pas forcément un jour ouvert un bouquin Star Wars, ils peuvent commencer par là. Quoi. Ouais, c'est rigolo, mais t'as presque l'impression que tout le contenu Star Wars jusque-là, c'était juste pour attendre de pouvoir faire un vrai reboot. Enfin, c'est... Vu comment ils touchent plus à la post-logie et tous ces trucs-là, ça donne vraiment l'impression que c'est ça le truc principal, quoi, maintenant. C'est... Et que le reste, c'était juste pour faire un peu de fric vite fait, quoi. Enfin, je sais pas. Bah, c'était pour occuper le. Ouais, occuper, ben, entretenir un peu la hype en attendant les films, hein. D'une certaine façon. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et on parle pas aussi. On n'a pas parlé aussi de la réception des romans et des histoires de la Haute République pour l'instant. Ah oui. Mais c'est drôle parce que vraiment, t'as deux pans qui s'affrontent et on n'avait pas l'habitude, hein, mais t'as un pan de fascistes qui disent que c'est de la merde et un pan de gens plus progressistes qui disent « Putain, c'est vachement bien votre truc. Voilà. » C'est étonnant, on n'avait jamais vu ça dans Star Wars encore. Mais même, c'est toujours rigolo parce que les gars, ils sont là, genre, ah, la Haute République se casse la gueule et ça ruine Star Wars. Genre, les gars, c'était quoi les best-sellers là, en début d'année là, plus ouais, c'est tellement con. Même partout, même en France, ou en France, même généralement, en France, ouais. Il y avait des ruptures de stock. Salut, Bash. Il y a des ruptures à donf, hein, il est toujours pas chopable. Là, si je l'avais pas eu miraculeusement, j'aurais pas pu le lire à temps. Hein. Et ça fait trop plaise. Franchement. Et en plus, d'habitude, chez Pocket, ils en sortent un tous les deux mois. Hein, si je dis pas de bêtises, Lane, leur rythme de parution, c'est un tous les deux mois. Là, ils ont osé en sortir deux sur deux mois consécutifs. Le machin, il est déjà épuisé, il est en réimpression. Enfin, c'est énorme. Hein. Alors que et même le Genèse, d'habitude, bon, ça rébute beaucoup de lecteurs d'aller piocher du livre Star Wars dans la bibliothèque verte. Là, plein de lecteurs qui ne le faisaient pas jusqu'à présent, on a réussi à les convaincre. Tous les retours ont réussi à les convaincre de tenter et de prendre le livre à la bibliothèque verte. Quoi. D'ailleurs, c'est pas parce que c'est Genèse que c'est de la sous-littérature. Hein. Les gens, ils pensent ça à chaque fois. Genre, c'est juste alors, la littérature s'adresse. Jeunesse en ce temps, ça m'a toujours donné l'impression d'être une version light de ce qu'il y avait autour. C'est pour ça que je ne me suis jamais trop intéressé. Mais c'est parce que tu n'es pas forcément le public. Ça ne veut pas dire que c'est tout pourri. Il y en a qui sont tout pourris. Oui, mais là, genre, c'est du contenu inédit. C'est ça que je veux. Surtout que je sais pour le coup, là, c'est vraiment du contenu inédit. Je pense qu'il y en a aussi qui sont. Dont c'est le cas, mais le peu que je voyais, ça ressemblait à des réécritures de films et des trucs comme ça. Mais là, pour le coup, je sais que c'est vraiment inédit, donc y a pas mal d'inédits, mais pour le coup, inédit en VF. D'accord, oui. Voilà. Mais ça existe. D'accord, mais pas forcément français. Par contre, petit disclaimer, la traduction Bibliothèque verte, dans ses traductions, pratiquement 100% du cas, passe le texte au présent. Ah oui, okay. Pour se faciliter la lecture, du coup. C'est vrai. Voilà. Ok. Voilà, donc... Ah, c'est bizarre. Donc, si ça vous choque à la lecture, dites-vous qu'en VO, c'était bien au passé. c'était écrit normalement. C'était écrit normalement. C'est pas un livre si juste par rapport à The Test of Courage, c'est pas un livre forcément trop naïf et insouciant, et ça aborde des thèmes assez obscurs, hein, quand même. Ouais, mais c'est les plutôt... Je réalise qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé à propos de. Attends, Matt, j'avais pas entendu. Et du coup, tu disais quoi juste avant, Line? Bah, plus rien. Moi, j'avais fini, j'avais dit que c'était au présent, et puis voilà. Bon, vas-y, Matt. Ah ouais, vous faites chier pour rien. Non, je voulais dire, le bouquin, je sais pas, on l'a pas dit, mais il est hyper bienveillant, globalement, tout le bouquin. Ça fait du bien aussi. Il y a des passages où on t'explique que chaque Padawan progresse à sa façon, qu'il n'y a pas de honte à être un peu à pas aller aussi vite que d'autres et tout. Et rien que ça, déjà, j'ai trouvé ça super cool quand j'avais lu ce passage-là. Et tout le long, il y a pas de tout est bienveillant dans ce bouquin. C'est super cool. Tu vas adorer Into the Dark. Into the Dark, c'est dès le début. T'as, mais pour le coup, c'est rafraîchissant comme lecture. Quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Bref, à quand les jeux vidéo dans la Haute République pour pouvoir aller visiter Starlight Beacon et secouer son sabre laser partout dans sa visite comme un bébé? Ah. c'est pas le jeu VR, ça? Non, le jeu VR, c'est sur Batou, je crois. J'ai essayé de secouer mon sabre laser, ça n'a pas marché. Hein. Eh, c'est pas moi. Je crois que c'est sur ces bons mots qu'on va pouvoir conclure cet épisode. Lane, où est-ce qu'on peut te retrouver pour te regarder secouer ton sabre laser? Pour ce que mon sabre laser. Balance le OnlyFans. Nulle part. Ça reste entre moi et mon chéri. pour le reste, pour le reste, bah, sur Twitter et sur Star Wars Universe. Et oui. Lei Nang Su. Et voilà. Star Wars Universe, ils ont fait plein de ressources aussi sur. Sur la Haute République qu'on a un peu diffusée là grâce à Lain. Oui. Du coup, des fois, si vous avez besoin, tout un dossier. Il y a tout un dossier sur la période et pas mal d'infographies avec d'autres qui doivent encore arriver. Et notamment un guide de lecture sur quoi lire, dans quel ordre, qu'est-ce qui spoil quoi, etc. Surtout l'ordre chronologique de toutes les œuvres, parce que comme on voit que commence à y avoir déjà pas mal d'œuvres, bah, vous verrez dans quel ordre elles s'articulent les unes avec les autres. Et j'ai une question, petit Lane, c'est un peu, désolé, je me dépêche, hein, mais c'est un petit peu une déformation professionnelle, j'en suis navré, mais comment le public français reçoit la Haute République sur Star Wars Universe? Pour l'instant, il n'y a que des retours positifs. Ok, d'accord. C'est vrai? Sur Star Wars Universe. Eh oui. C'est complètement ouf. Même sur les forums. Oui, même sur le forum, que des incroyable. Retours positifs. Non, mais ça m'étonne pas. C'est pas tellement étonnant, ouais, je pense. Ben, c'est facile à aimer, j'ai l'impression. Ouais. Ben, c'est vachement bien pour le coup. C'est bien écrit, ouais. C'est bien traduit. Oui, et puis on est sur une période où il y a eu pas mal de beaucoup de romans un peu répétitifs où ils se ressemblaient tous de romans Star Wars où ça osait pas trop, il y avait pas d'enjeu, il y avait pas d'ampleur, il y avait pas de tout ça, et là on a enfin quelque chose de totalement nouveau qui ose sur une période vierge, etc. Et donc bah ça plaît à la fois à ceux qui comme moi viennent de se farcir 6-7 ans de romans timide un peu timide des romans qui sont finalement que des extensions de tous les autres médias, donc des romans qui sont des extensions de films, de séries, de jeux vidéo. Donc on s'est tapé que ça pendant des années, et là aujourd'hui on nous offre quelque chose dont l'histoire s'écrit dans la littérature Star Wars et pas dans les médias vidéoludiques. Donc ça a plu beaucoup à tous ces fans du canon, et surtout ça plaît aux anciens fans, on va dire les fans legend, qui retrouvent enfin un peu un Star Wars littéraire fait pour eux, ou un Star Wars qui leur rappelle ce qu'ils ont connu pendant des décennies avant le rachat. Un Star Wars littéraire ambitieux, c'est ça, surtout. C'est tout ce qu'on attendait, en fait, j'ai envie de dire. Même les gens qui n'étaient pas forcément fans du Legend, c'est ce qu'ils ont promis quand ils ont annoncé le projet. Et c'est peut-être pour ça que c'est aussi satisfaisant au final, parce que t'as tout ce qu'il faut, t'as de l'impact, quoi. C'est pas juste. Oui, bon, bah, c'est la backstory de Trucmuche, parce qu'il était dans le bouquin, quoi. C'est l'histoire. Tout à fait. Pas la back. Je me permets rapidement de. J'ai fait le parallèle entre les deux principaux fan sites français, hein, Star Wars Universe et puis Planète Star Wars. Et clairement, ouais, on voit même sur le Star Wars Universe, la tête du site, c'est vraiment la Haute République, quoi. On est dedans, bah ouais, on est en plein dedans. Et sur Planète Star Wars, c'est un peu plus compliqué. Hein, mais... Et c'était mais ouais. Encore un YouTube en ce moment qui me propose n'importe quoi. Et il y avait un gars assez connu du Star Wars centriste qui était genre vous trouvez pas que c'est un peu mort Star Wars en ce moment, genre mec ça fait ça fait combien de temps qu'il a pas été aussi vivant, ouais. T'as des bouquins qui sortent tout le temps, t'as eu la première vague en début d'année, tu vas avoir la deuxième vague pendant l'été là, enfin c'est... ouais. Et puis on l'oublie à chaque fois, mais Bad Batch, c'est bientôt. Oui, en plus, on l'oublie tout le temps. C'est vrai, punaise, on l'oublie tout le temps. C'est fou, c'est le truc qu'on oublie à chaque fois. Et ah putain, mais il y a Bad Batch en fait. C'est dans un mois. C'est dans un mois. Mais c'est moins excitant que la Haute République, hein, je vais pas te mentir. J'avoue. C'est clair. Bref. Là, ce qu'il nous faut, c'est une série animée au très public avec les mecs qui ont fait les petites vidéos sur YouTube de Star Wars qu'il y avait. Comment ça s'appelait, Galaxy of Heroes, non? C'est ça? Non, je sais plus. C'est ça. Non, Galaxy of Adventures. Oui. Galaxy of Adventures, voilà. Ouais. Ouais. Galaxy of Heroes, c'est ce mec-là. Le jeu mobile. Ouais, c'est clair. Et ouais, sur le YouTube de Star Wars, ils mettent des petites vidéos sur la Haute République. Voilà. C'est bien. On ne l'a pas vu l'heure. Bah oui, mais moi j'attends. Mais on a tellement de choses à dire sur tout. Et il faut qu'on crache sur le match qui n'est même pas sorti. On crache pas, on l'avait juste oublié. Bref, donc là il nous a dit où on pouvait le retrouver. Nous, vous allez voir hein, dans la loupe. Enfin, vous pouvez nous retrouver sur Twitter @fauconpod. Merci à tout le monde d'être resté là pendant 3 heures. C'était très long, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire et de choses à répéter 50 fois. Que... On aurait pu parler de Michael, de Pika et Joss, de... Non, recommence pas, c'est bon, on a dit, on concluait là. Non, mais c'est rapide, j'ai une phrase, mais voilà, on pouvait pas tout dire, quoi. Mets-le en prison. Ouais. Non, bah c'est bon, j'ai fini, j'arrête de dire des trucs. Oui, arrête de dire des trucs. Nous sommes tous la République, sauf Adrien qui va bientôt arrêter de parler pour toujours. Bonne nouvelle. Nique la République. Salut. Bisous. Ciao. Bye.